longtemps, ça va bien. Bah écoute, ça va et toi? Ouais, tranquille. Ça va être plutôt pas mal, ouais, ouais. Bah moi je suis assez chaud pour ce podcast improvisé, sans nom. sans nom, ouais, sans nom de plan de travail. C'est... Ouais, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut, ouais, c'est effectivement. Bah du coup, je vais te poser une question. D'après toi, qu'est-ce que ça va donner Endo contre Bisping? Qu'est-ce que va donner Endo contre Bisping? Qu'est-ce que je pense que ça va donner ou est-ce que ce que je veux? Qu'est-ce que tu penses que ça va donner pour de vrai et qu'est-ce que tu voudrais que ça donne? Ce que je pense que ça va donner, je pense que ça peut aller dans les deux sens. Si c'est Endo qui gagne, c'est un KO direct. Ouais, ouais. Si c'est Bisping, c'est une décision au bout de 5 rounds où il a fatigué, travaillé quoi. Ok. Après, moi, ce que je voudrais, c'est un KO de Endo. Mais d'un autre côté, un KO de Bisping, c'est pas vraiment ce que je voudrais, mais ce serait tellement surprenant. Ce serait limite plus marrant. Mais parce que Bisping, il a jamais mis personne KO de sa vie quoi. Bah, Rockhold. Oui, pardon, c'est vrai. Il l'a mis KO, c'était pas un KO sec, mais quand même propre, quoi. Ouais, ouais, c'était assez décevant comme combat, d'ailleurs. Ouais, décevant pourquoi? Décevant parce que je pensais pas que Rockhold allait tomber dans le panneau de « je vais prendre mon adversaire de haut et, et je vais me faire cogner directement comme ça ». Ouais. Ça me surprend toujours, en fait, qu'un truc pareil arrive à ce niveau-là, mais dans tous les sports, même au foot, ça arrive, tu vas avoir une équipe qui est supérieure sur le papier, ouais. Et ils vont jouer mais comme des bites parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont au-dessus de l'équipe d'en face et ils vont se faire cueillir quoi. J'arrive pas à comprendre que ça puisse encore se faire quoi, mais bon écoute, qu'est-ce que tu veux. Je pense que ça fait. Enfin pour ce combat-là en tout cas, je pense que ça faisait partie du délire mental, le jeu mental, genre je prends le mec de haut pour montrer que je suis pas impressionné, etc. Sauf qu'il allait trop loin dans le truc et il s'est fait calmer quoi. Ouais, bien sûr. C'est ça à mon avis. Ouais. Ouais, et c'est dommage parce que ça valide toutes ces années de trash talk de Bisping qui jusque-là était absolument pas valable, et là tout d'un coup genre boum quoi, c'est ça la pire erreur qu'a pu commettre du Rockhold, mais bon. Mais lui d'ailleurs il a un combat de prévu, moi j'ai pas suivi ce qu'il fait. Du Rockhold? Ouais. Pas pour l'instant, non, je crois pas, non. Non, y a rien. Non. Ce serait cool s'il pouvait faire le rematch avec Chris Weidman, d'ailleurs je sais pas où... Bah je pense que peut-être que c'est Weidman. Ça qu'ils attendent, peut-être qu'ils attendent de voir s'il se remet de ces trucs-là. Ouais. Ouais. Peut-être qu'une fois qu'il est bon et qu'il est dispo, à mon avis, ça va être ça qu'ils vont faire. Ouais, il y a de fortes chances. Ouais. Parce que là, t'as quoi? T'as Bisping, Anderson pour le titre. Exactement. Mais après, derrière, tous les mecs qui sont en attente, t'as Jacaré, il est personne de prévu. Ouais. Vitor, je crois qu'il a un truc de prévu, mais je sais pas contre qui. Vitor, je crois qu'il est censé affronter Anderson Silva, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est ça? Ouais. D'accord. Ce qui devrait être assez cool, d'ailleurs. Mm. Ce qui me ferait un bon combat. D'ailleurs, Anderson Silva... Bon, enfin, ok, il a enchaîné deux défaites d'affilée, mais que ce soit contre Bisping ou contre Daniel Cormier, surtout. Ouais. Un combat qu'il a pris quand même à... Deux jours avant, je crois. Ouais, deux jours avant, ouais. Franchement, il s'est fait dominer, mais il était loin d'être ridicule, quoi. Moi, j'ai pas vu le combat. Enfin, j'ai vu des extraits, quoi. Ouais. Mais en gros, c'était quoi? C'est parce que j'ai vu quand même qu'il a quand même mis deux trois bonnes à Cormier, qu'il était genre vite fait en difficulté à des moments. Ouais, bien sûr. Ouais. Il s'est passé comment le combat? Il s'est passé. Bah, en fait, Daniel Cormier, il a fait un peu comme. Puisque c'était pendant UFC 200. Ouais. Il a fait un peu comme avec Brock Lesnar et contre Mark Hunt. C'est-à-dire que Brock Lesnar, en fait, a joué safe. Ouais. Il a pas voulu prendre de risque et donc il a collé Mark Hunt au sol pendant tout le combat. Et Daniel Cormier, sa stratégie, ça s'est un peu résumé à ça. Ouais. Mais peu de moments où Anderson Silva arrivait un peu à se défaire et de la pression, en fait, il gérait plutôt bien. Effectivement, il a aussi à placer 2-3 taquets. C'était quand même pas ridicule, quoi. Ok. Donc, ouais. Et là, je regarde en même temps pour Vitor Belfort, il y a marqué sur son Wikipédia que normalement c'est contre Gegard Mousasi en UFC 204. D'accord, ok. Ok. Bah, après, ouais, Belfort Mousasi, c'est moins. C'est moins excitant. C'est moins stylé, quoi. Ouais. Parce que Mousasi, c'est. Je sais pas, c'est. Non, mais il est bizarre, ce mec, quoi. Mais c'est vraiment chelou, quoi. On sait pas, j'arrive pas à savoir est-ce qu'il est juste fainéant, est-ce qu'il a un niveau en dessous. Bah, je pense qu'il a un bon niveau, mais il a tellement une dégaine de mecs qui s'en fout. Grave. Genre, tu le vois, t'es là, bon. T'as un mec qui se fait chier, quoi, dans la cage, quoi. Bah, c'est ça, on dirait vraiment qu'il s'emmerde, quoi, donc c'est quand même assez bizarre. Mais mais c'est sûr que bon, ce qui va se profiler pour pour les poids moyens dans l'UFC, c'est sûr que ça va être intéressant. Ouais. Je pense sincèrement que ça devrait. Enfin, pour moi les deux meilleurs, ça reste Luke Rockhold et Jacaré. Et j'aimerais vraiment bien qu'ils s'affrontent si possible. Il n'y a pas eu un premier dans Strike Force ? Strike Force, ouais. Si, si. Et c'est Rockhold qui a gagné ? C'est Rockhold qui a gagné, ouais. Ouais. Mais je pense qu'ils sont. Enfin, ils ont évolué depuis, quoi. Parce que c'est il y a quelques temps déjà. Parce qu'après, moi je suis curieux quand même de Wildman Jacare aussi. Ouais. Genre, bah, franchement, il s'est fait calmer Wildman par Rockhold. Mais je serais curieux de voir la revanche quand même. Bien sûr, ouais. Parce que. Bah avant ça, je pense que Wildman, tu le voyais, il avait pas l'air invincible, mais il gère quoi. Mmh. Et le combat, il s'est quand même bien défoncé, mais je pense qu'il avait des problèmes, pas de santé, mais il était pas comme aussi dominant qu'avant quoi. Ouais, ouais. Je crois que les deux avaient des problèmes de santé en fait. Parce que Rockhold avait eu une espèce d'histoire de staphylocoque ou un truc craignos qu'il avait chopé pendant ses entraînements. Mais oui, comme tu dis, effectivement, je pense que ce serait cool s'il pourrait y avoir la revanche quoi. Parce que. Mine de rien, Wayneman, il a, je crois qu'il n'y a même pas une quinzaine de combats. Quoi. Il est tout jeune sur le circuit professionnel, donc il doit avoir encore une énorme marge de progression. Quoi, il a une défaite en fait, il était invaincu jusqu'à Rockhold. Donc il doit être genre 12-1, quoi, un truc comme ça. C'est ça, ça doit être un truc comme ça. Ouais. Donc non, il n'y a pas de. Donc ça, c'est pour les poids moyens. Ouais. Après toi, genre dans toutes les divisions, c'est quoi ta préférée, mais. Celle où tu vois le plus de choses se passer, les mecs que tu suis le plus. J'aime bien ce qui se passe chez les poids légers, parce qu'il y a quand même du bon calibre. Je m'attendais pas du tout à ce que Eddie Alvarez mette KO Rafael dos Santos. Je m'attendais pas du tout à ce qu'Eddie Alvarez combatte pour le titre aussi rapidement, parce que les combats que j'ai eu lui n'étaient pas non plus super concluants. Ouais, parce que lui il a commencé par Cerrone là. C'est ça. Il a perdu. Ouais. Et après il a gagné contre quoi, Pettis je crois. Contre Pettis, mais c'était une décision partagée. Ouais, et après il a c'était quoi. Et après je crois que c'était son combat pour... Direct pour le titre. Je crois bien, ouais. Ah ouais. C'est bizarre. Ils essayent de... À l'UFC, je pense qu'ils essayent de faire des combats, enfin des affiches plus ou moins logiques par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux combattants, leur victoire, leur défaite et tout. Ouais. Mais... ouais, c'est ça. Ah oui, non, il y a aussi une victoire décision partagée contre Gilbert Menendez. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. C'est quel truc ? Quel événement ? UFC 188. 188 ? Velasquez contre Verdo. Ah ouais. D'accord. Ah d'accord. Ouais, mais celui-là, j'ai pas trop... C'était au Mexique, là. C'est ça, exactement. Ok. Mais d'ailleurs, c'était encore une victoire surprise, entre guillemets, quoi. Mmh. Ouais, parce qu'il y en a un qui arrive, enfin je pars de Verdum contre Velasquez bien entendu, il y en a un qui arrive super préparé, l'autre pas quoi. Ouais. Et je m'y attendais vraiment pas, surtout vu quand même tout le délire de Velasquez autour de ses racines mexicaines et tout. Ouais. Vu que ça se passe au Mexique, on aurait pu penser qu'il était au courant que ça allait être en attitude et qu'il allait bosser ses cardos, tu vois. Bah, mais je pense qu'il a. Enfin je sais pas, à mon avis il a dû soit avoir trop confiance, bah après c'est des trucs que tu sais jamais la raison vraiment quoi. Mais ouais, c'était surprenant. Enfin, Verdum, il a bien pris le truc au sérieux. Et ce qui me fait marrer, c'est que. Attends, c'est hier. Ouais, hier. J'ai regardé, parce que j'avais juste vu le résultat, j'avais pas vu le combat. J'ai regardé Verdum contre Stipe, là. Ouais, ouais. Et là, pour le coup, c'était le jour et la nuit, quoi. Il arrivait comme un ouf. Et... mais encore une fois, c'est ça que je comprends pas, quoi. Genre, c'est exemple typique, quoi. Verdum, il gagne le combat dans cette position où il se retrouve avec un mec en face qui peut vraiment lui poser problème, mais le mec n'a pas préparé le combat. Et il arrive à saisir l'opportunité. Parce que c'est un combattant professionnel de très très haut niveau. Ouais. Et pour sa première défense de titre, il commet cette erreur là, quoi. Ouais. C'est, j'arrive pas à comprendre. Je pense que c'était une erreur de vraiment de sur l'instant, quoi. Ouais. Tu vois, parce que j'avais écouté les commentaires et j'ai revu le combat derrière. Où en fait, en gros, t'as un passage où il fait une petite attaque normale, quoi. Il tente un truc et t'as direct tous les Brésiliens qui se mettent à waouh. T'as la foule derrière et tout qui sont là waouh. Et je pense qu'il a entendu ça et que il s'est dit allez, j'enchaîne. Ouais. Et il a fallu juste une erreur et c'était mort, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Il s'est fait attraper, mais c'était sec, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ça a pas duré. C'était au premier round, non ? Premier round, ouais, c'était faire 2 minutes, je sais plus. Mais du coup, là, le prochain, c'est quoi, Stipe Overeem ? Stipe Overeem. Ça, à Cleveland, donc c'est-à-dire que Stipe Miocic va perdre. Ah, c'est chez lui, ça. Ouais. Mais Stipe, c'est le mec, j'ai pas trop suivi son... Enfin, je l'ai suivi de loin, quoi. Je le voyais pas être champion, quoi, ce gars-là. Moi non plus, ouais. Ouais, bah, je savais qu'il était bon, que c'est un mec durable, que tu peux pas le dominer comme ça, qu'il a plein de difficultés, mais je vois pas dominer la division. Je pense que là, enfin, de ce que j'ai vu pour les poids lourds, là, parce que là, on est passé aux poids lourds, Moi, je pense que Velasquez, s'il assure comme à UFC 200 là, ouais, et qu'il continue comme ça, je pense qu'il reprend la ouais, division directe. Enfin, il avait l'air invincible à UFC 200. Ouais, Travis Brown, il a rien compris à ce qui lui ouais, arrivait. Mais c'est, je pense que c'est de vrais combats qui méritent vraiment d'être vus, c'est Overeem contre Velasquez. Quoi. Moi, je pense qu'Overeem contre Velasquez, Overeem, il se fait tellement mettre la pression, quoi. Ouais. Enfin, Overeem, il est hyper bon, et je pense pas que voilà qu'on peut lui marcher dessus comme ça, mais il lui faut un peu de distance quand même, un petit peu de voilà, pour, parce que c'est un bon striker, mais Velasquez, il te colle, quoi. Enfin, je voyais le match contre Travis Brown, c'était horrible pour Travis Brown, quoi. Il pouvait rien faire, le mec, ouais, il était contre la cage, dès qu'il avait un petit peu de distance, il se prenait genre un coup de pied retourné, il s'arrête jamais, Velasquez, je sais pas comment il fonctionne, mais je pense que c'est pour ça qu'il se blesse autant, c'est qu'il s'arrête pas, quoi. Ouais, du début ouais, à la fin, il est sur toi. C'est ouais, bah ça a toujours été sa stratégie de toute façon. Ouais. Ça a toujours été payant. Je me rappelle, je crois que le premier vrai combat que j'ai vu de lui, si je dis pas de bêtises, c'est son deuxième contre Junior Dos Santos. Il avait affronté une première fois, il avait perdu sa ceinture. Ouais. Contre Junior Dos Santos, mais à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, il était blessé, enfin il était pas à 100%. Ouais, il y avait un truc au genou, un truc ouais, comme ça, là. Et du coup, là, il était arrivé pour le coup vraiment bien préparé. Ouais. Et effectivement, bah, tout combat, il a collé contre la cage et il a allumé, quoi. En synchrone. C'est le premier que t'avais vu de lui? Je pense bien. Enfin, en tout cas, c'est le premier qui m'a marqué, on va dire. Parce que le premier que j'ai vu de Velasquez, j'ai dû en voir un, mais qui m'a pas marqué parce qu'il était encore pas forcément. Il n'y avait pas de hype sur lui ou quoi. Mais le premier que j'ai vu qui m'a. Voilà, c'est quand il a fait contre Brock Lesnar là. Ouais. Et, Brock Lesnar, il avait pas l'air invincible parce que c'était juste qu'il est énorme, quoi. Mais la façon dont il l'a. Ouais, il a bien démoli. C'était genre impressionnant, ouais, quoi. Ouais. Et depuis que j'ai vu ça, je me disais que je le voyais imbattable, et quand il s'est fait sécher par. En plus, ce truc là, le premier Dos Santos contre Velasquez, c'était le premier combat sur Fox ou je sais pas quoi là. Mm-hmm. Ils avaient. Enfin, leur première retransmission. Et tout le monde était genre trop chaud, c'est le gros événement. Et c'était genre un peu dégoûté que le combat des poids lourds et tout, il dure genre 30 secondes, quoi. C'était trop blasé. Je m'étonne, ouais. C'était genre, je sais plus, le. UFC 146, je crois, si je dis pas de conneries. Et c'était la période d'ailleurs où je mettais vraiment quasiment tous les pay-per-view et tout. Là, je regarde un peu moins. Enfin, il y en a trop en fait. Ouais. Je regarde pas tous les trucs, quoi. Mais sur cette période-là, t'avais sur la 146, t'as, si je dis pas de bêtises, t'as aussi Aldo Edgar 1. Ouais, d'accord. Un truc comme ça. Enfin bon, bref. Mais à l'époque, il avait l'air vraiment invincible, mais il s'est fait sécher comme ça. Et quand il est revenu, il a défoncé Dos Santos. Et là, je me dis que s'il revient vraiment comme il était avant. Parce que ouais, contre Verdum, en fait, il avait le côté altitude. Mm-hmm. Mais même, il avait l'air rouillé. Genre, je t'avais envoyé un truc, une photo là, ou un truc animé, où tu le vois juste sa préparation. Enfin, au début de chaque combat, je sais pas si tu te souviens. Où tu le vois, genre, ses premiers combats, comment il est et tout. Il saute, machin, il fait des squats et tout. Et à la fin, il a l'air tout rouillé, il fait ses squats, il a trop mal au genou, il est tout. D'accord. Tout machin. Et je pense que si là, il est vraiment en forme, moi, je le vois pas, je vois personne l'arrêter, quoi. Alors, je me rappelle pas que tu m'as envoyé ça. Je te l'enverrai. Ça marche, t'as plaisir. Mais ouais, mais après, c'est on en revient. C'était Dana White qui a fait une sortie pour dire que son club AKA Kickboxing, si j'ai pas de bêtises, ouais, s'appelle, il s'entraînait beaucoup trop dur et qu'il se blessait beaucoup trop souvent. Mais je pense que effectivement, le mec, c'est un poids lourd déjà. Donc, c'est. Ouais. C'est le fait juste de trimballer une masse pareille, même si encore c'est jamais vraiment évident, quoi. Et le mec, c'est un barbare, donc c'est un barbare, ouais. Ouais. Donc je pense qu'il doit, c'est pas le genre de mec qui doit écouter son corps, genre oh bah là j'ai un petit peu mal au crâne, je vais arrêter, quoi. Je pense que le mec il va pas s'arrêter, je pense qu'il s'arrête jamais, ouais, c'est clair. Et moi, ça me fait penser, je voulais te demander avant, enfin j'y avais pensé avant qu'on commence là, tu disais le premier combat que t'as vu de Velasquez, moi ma question pour toi, c'est comment t'as commencé à regarder tout ce qui est, pas forcément UFC, mais MMA, sport de combat en général, ouais, ton approche quand t'as commencé à regarder, à t'y intéresser, quoi. Bah écoute, ta question doit se penser qu'on aurait dû quand même faire un plan ensemble. Tant pis. Je trouve que les gens ont pression quand même. Comment, de toute façon, la boxe, la boxe, c'est le premier sport de combat forcément que j'ai jamais entendu parler. Ouais. Parce que quand j'étais gamin, c'est simple, j'adorais les films Rocky. Et il y avait le catch qui passait sur Canal Plus. Je sais pas si tu matais catch quand t'étais gamin. Ouais. Mais ça, c'était un truc avec mon frangin qu'on adorait. Et d'autres gamins dans mon école. Donc on va dire que c'était un peu les deux trucs qui s'en rapprochaient. Ouais. C'était vraiment l'aspect divertissement du truc. Et en grandissant, je m'étais toujours dit, putain, ça serait cool si je pouvais faire un sport de combat, si je pouvais mettre à la boxe et des trucs comme ça, ça serait sympa, mais j'y connaissais strictement rien. Je pouvais faire une distinction entre boxe française, boxe anglaise et boxe thaïlandaise, mais vite fait, tu vois, vraiment, j'avais une connaissance vraiment proche du zéro. Et c'est en finissant par traîner avec des mecs qui ont vraiment fait des sports de combat, et notamment de la boxe, et en parlant avec eux, que j'ai décidé de me motiver. Et toujours en n'y connaissant rien, il y en a un de mes potes justement qui était branché boxe qui m'a dit écoute, je t'ai fait une liste avec quelques clubs de boxe thaï. Ouais. Parce que je lui avais dit que faire du pied-point, c'est quelque chose qui m'aurait branché. Voilà la liste, t'en fais ce que tu veux. Et dans la liste, il y avait ce club de Saint-Ouen qui s'appelle RM Boxing, qui est un club vachement réputé dans le Muay Thai français, qui donc à Saint-Ouen sur l'île Saint-Denis. C'était pas extrêmement loin de chez moi, donc je me suis dit, bon bah pourquoi pas. Et voilà, j'ai commencé comme ça, et dès que j'ai commencé la boxe, en fait, direct, j'ai commencé à me pencher en fait vraiment sur le Muay Thai, sur des grands noms, sur qu'est-ce que c'est concrètement, comment ça se passe en Thaïlande, et j'ai dérivé sur le kickboxing, sur le K1, et c'est comme ça que j'ai entendu parler de Mandalister Overeem, de Mark Hunt, de Ernesto Houst, tous ces mecs-là. Et en parallèle, en fait, juste à ce moment-là, donc c'était genre 2009-2010, c'est quand Cyril Diabaté est arrivé à l'UFC, et son premier combat, il a eu une victoire par KO au premier round, donc on en a parlé dans la presse, en fait. D'accord. Et ça, j'en ai entendu parler de ce mec-là, donc j'ai commencé un peu à m'intéresser à l'UFC. Et c'est à ce moment-là où tu m'en parlais aussi, donc tout s'est fait un peu en même temps. Et avant ça, tu connaissais pas le. Enfin, t'avais déjà entendu parler de l'UFC MMA ou tu. La toute première fois que j'ai pas entendu l'UFC, c'est vraiment quand c'est apparu, genre en 93-94. Ouais. C'était ma mère, je me rappelle bien, dans un magazine, il y avait un article dessus en fait, mais c'était donc au tout début quand il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de trucs. Free fight et tout ça. Pour moi, dans ma tête, l'UFC c'était genre de lutte. Pour moi, en fait, c'était du ultimate fighting. Je pensais que la discipline s'appelait comme ça, si tu veux. Ouais. Mais vraiment, le MMA et tout, bah, c'est arrivé à ce moment-là, quoi. 2010, 2011, voilà. Et donc, depuis, ouais, tu suis le truc de près. Parce que moi, je sais que tu suis un peu de tout, quoi. Tu regardes Glory, d'autres événements un peu, etc. Ouais. Mais c'est quoi, tu regardes autant l'UFC que les autres, ou plus l'UFC, plus. Non, c'est surtout l'UFC. Ouais. Tout simplement parce qu'ils ont monopole sur le marché. Ouais. Ils ont des grandes stars qui savent faire une très bonne com autour de leur combat. Mais après, et ça c'est avec le site qu'ils ont fait, l'UFC Fight Pass, c'est vachement pratique parce que j'aime beaucoup regarder Glory, mais Glory c'était extrêmement difficile à voir, fallait s'abonner sur leur site. Ouais. Le streaming n'était pas toujours terrible, fallait attendre vraiment du temps avant qu'ils balancent ces événements en ligne, enfin c'était pas tip top. Et du coup maintenant c'est pas que ça a été racheté, mais maintenant Glory est diffusé sur Fight Pass. Et Fight Pass c'est quand même un très bon moyen avec ce qu'ils appellent la Fight Library, là, toute la collection de combats. Si quelqu'un est intéressé et veut mater des combats de toutes sortes, parce qu'en plus il y a du grappling, il y a du jiu-jitsu, ça reste quand même un bon moyen pour mater ça à n'importe quel moment. Ça rend le truc beaucoup plus accessible en fait. Fight Pass, moi j'avais testé, je sais pas, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'est pas si vieux, mais quand ils l'ont lancé du moins, c'était pas encore très au point, franchement c'était galère, tu lançais un truc. Ouais. Une fois sur deux, une fois sur trois, ça ramait. Enfin, tu disais, vas-y, je laisse tomber, je regarde une autre vidéo. Des fois, c'était mal répertorié, tu cliquais sur tel combat, c'était un autre qui apparaissait, c'était relou. Et là, en fait, toi, tu m'en as parlé, tu étais dessus. Je me suis réabonné, il y a pas si longtemps, là. Et franchement, ouais, maintenant, il est hyper propre. Maintenant qu'ils ont racheté, qu'ils ont des droits avec tous les trucs, il y a tous les trucs de Pride aussi dessus, là. Ouais. C'est un truc de fou, quoi. C'est clair. C'est une grosse ressource, franchement. Non, carrément, je pense qu'ils ont bien pillé les trucs. Parce que c'était un peu ça qui manquait, c'était un truc pour une application ou un site pour un peu centraliser tout ça. Mmh. Parce que c'est vrai que ça partait un peu dans tous les sens, donc ça c'était quand même une bonne idée de leur part. Mais du coup, par contre, toi j'ai jamais trop compris quand tu t'es mis à mater du MMA et du UFC et tout ça. Parce qu'à la base, t'es pas un mec spécialement genre sportif, enfin. Non. Quand je t'ai connu en tout cas. Moi je me souviens même pas exactement. Le pourquoi du comment, mais je sais que je suivais pas de près, mais je connaissais tout ce qui était K1 et Pride à l'époque où ça existait encore. Et je sais pas, ça doit être des potes qui m'ont montré une fois sur internet, je sais plus comment, hein, mais on était avec une bande de potes, on est tombé là-dessus. Et moi, je suis tombé dedans à l'époque où il y avait tous les mecs du K1, Recefo, Bonjaski, Ernesto, tout ça, Bob Sap. C'était vraiment la foire, quoi. Et c'était vraiment le côté, justement, avec Pride et tout, t'as le côté vraiment free fight, un peu carnaval, quoi, où t'as des mecs énormes là, comme il s'appelle Ongman Choi, je crois, le mec est super grand, entre des mecs tout petits et tout, c'était n'importe quoi, mais c'était juste vraiment du spectacle. Et donc j'avais suivi, Sauf qu'à l'époque, je savais pas ce que je regardais. Je regardais ça sur Internet, mais je savais pas si je regardais quelque chose d'actuel. C'était un truc qui était... Je suivais pas les champions qui étaient, qui faisaient quoi. J'en regardais pas mal. Et je voyais des noms qui revenaient. Donc je voyais Wanderlei Silva, Ernestos pour K1, plein de mecs comme ça. Et le seul truc que j'ai suivi un peu, c'était la période où il y avait le tournoi poids lourd Pride, je sais pas quelle année, 2002 peut-être, où t'avais Crocop, les deux frères Emelianenko là. Ouais. D'autres mecs, et je me souviens juste de cette phase où t'avais Crocop contre le frère de Fedor, contre, comme il s'appelle, Alexander, hein, et t'as Fedor qui lui met le gros pied gauche là dans la tête, et genre il finit, on lui file le micro, il dit Fedor Emelianenko, c'est toi le prochain, et t'as Fedor qui est dans les coulisses, qui est là, qui est bouillant, qui fait et après Fedor il allume Crocop quoi. Donc j'avais suivi ça pendant une période, donc je me souvenais des noms, après bon, je sais pas, je me suis désintéressé, j'ai pas trop suivi, et en fait, c'est en traînant sur internet des années après. Je suis tombé sur un truc, je cherchais des films ou des séries à regarder, et je suis tombé sur un truc qui s'appelait The Ultimate Fighter, et ça m'a fait mourir de rire, rien que le nom, quoi. Je me suis dit, c'est quoi cette blague? Donc j'ai téléchargé le truc pour voir, et c'était la saison avec Forrest Griffin et Rampage en coach. Ouais. Et donc le film à la fin, c'était pour la ceinture de mi-lourd là. Ouais. Et donc t'avais dedans, je crois qu'il y avait Matt Brown comme compétiteur. Le mec qui a gagné, c'était Amir Sadollah. Oui, d'accord, je me rappelle de. T'avais Sibi Dolloé, ces mecs là. Donc bref, j'ai suivi ça et j'ai trouvé ça ouf, justement, de voir les gars qui étaient dans la compétition pour devenir combattant de l'UFC, et surtout de voir les coachs à la fin qui se battent pour la ceinture. Et du coup, quand j'ai regardé l'événement, donc c'était l'UFC 90 ou je sais pas quoi, 92, un truc comme ça, et en fait, j'ai retrouvé des noms. Donc je voyais, genre, je sais plus si c'est cette carte-là, mais il y avait, par exemple, Nogueira contre quelqu'un, et je fais « Attends, mais Nogueira, c'est quelqu'un que j'avais vu il y a 3-4 ans quand je regardais les trucs de Pride et tout. » Et donc j'ai regardé tous les événements qu'il y avait après, depuis, je suis resté dessus, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment le hasard de traîner sur Internet et d'avoir connu une période les noms, et de revenir dessus, et de voir où ils en sont maintenant, quoi. Et ce qui était marrant aussi, c'est de voir tous les mecs qui étaient les meilleurs du monde en Pride se faire ramasser dans l'UFC, quoi. Ouais. Crocop, il est arrivé, il se battait contre, il s'est fait défoncer par Gonzaga. Enfin, c'était marrant de voir ça, quoi. Donc moi, je suis tombé dedans comme ça. Après, pour les sports de combat, c'est venu genre récemment, quoi. Tout ce qui est karaté, machin, c'est plus pour le sport, en fait, que pour le sport de combat en lui-même. Après, maintenant que je suis dedans, j'ai quand même bien envie de tester tout ce qui est jujitsu, trucs comme ça. Parce que tu fais du karaté et du judo. Karaté et judo, ouais. Et tester tout ce qui est grappling, juste pour le côté sport. Et puis le fait de suivre vachement les compétitions et tout ça, c'est de aussi me rendre compte de la difficulté de ce que tu vois. Parce que quand tu vois juste les images, au bout d'un moment, quand tu es habitué à voir ça tout le temps, tu vois ça comme un spectacle et je sais pas, tu te rends pas forcément compte de tout ce que ça implique de voir les mecs, je sais pas, quand ils sont contre la cage à se tenir comme ça, tu te dis ouais bon là, il se passe rien, alors qu'en fait il se passe trop de trucs, ils sont en train de réfléchir à des positions, à des machins, et donc ça devient super intéressant de comprendre le côté technique, le côté même physique de tout ce qu'ils font, quoi. Donc moi c'est ça qui m'a attiré, qui me fait rester, on va dire. D'accord, les trucs, quoi. Ok. C'est ouais, mais c'est marrant ce que tu dis, c'est un peu comme quand tu regardes un match de foot avec tes potes, tout le monde va avoir une opinion sur l'action d'un mec en particulier, un truc qui va paraître évident à tout le monde, genre pourquoi est-ce qu'il est pas parti dans cette direction où il y avait personne, tu sais pas ce qui se passe dans la tête du mec, entendu, quoi. Donc c'est sûr que si t'appliques ça au MMA, ça peut être intéressant de pratiquer rien pour voir Tout t'en trouves dans cette position en fait. Et puis la difficulté du combat même debout, quoi, sans rentrer dans le MMA, quoi. Le combat, de gérer la distance, d'avoir un timing, enfin, il y a tellement de trucs à gérer quand tu regardes sur ça vraiment, enfin voilà, quand je vois ça avec des gens qui sont pas du tout dans le MMA, après moi je prétends pas être expert ni quoi que ce soit, mais qui sont vraiment pas du tout dedans, t'as des commentaires qui paraissent limite choquants, pourquoi il a pas fait ci, pourquoi il a pas fait ça, genre, c'est impossible à faire vrai, quoi, parce qu'on est tellement habitué à ce qu'il y a à la télé, de voir des mecs combattre de manière pas du tout réaliste, que quand tu vois vraiment comment ça se passe, c'est intéressant d'un point de vue juste analytique entre guillemets, dire putain mais comment ils font les mecs pour faire ça tout le temps, quoi, c'est quand même assez balèze, quoi. Si t'avais pas fait ça, je rappelle que t'es musicien également, quand t'as commencé à jouer de la guitare, sachant que ça m'est arrivé de gratouiller aussi, mais vraiment quand tu commences tout juste à guitare, donc au début, forcément t'es complètement nul parce que tu débutes, Et il y a un moment où tu commences à progresser un petit peu, et c'est à partir de ce moment où tu progresses un tout petit peu, où tu te rends compte du fossé qui te sépare de, du reste. Et en fait, quand j'ai commencé la boxe, ça a été la même chose. Je me suis dit, genre, putain, mais c'est fou, enfin, la condition physique que ça demande. Et puis tout le reste, c'est ça, la technique, la tactique, le timing. Et sauf que là, en plus, les mecs, ils se mettent des pains dans la gueule, quoi. Donc, c'est une bonne image. Moi, ce que je vois, par exemple, avec le karaté, là. Ça presse pas forcément exactement la même chose, mais je vois le talent, enfin la capacité des mecs qui sont profs. Hein, j'ai mon prof, et t'as d'autres gars dans le club qui sont pas assistants profs, mais qui les remplacent de temps en temps, enfin qui ont de l'expérience. Un prof de 61 ans, il est en collègue de 54 ans, ça fait des années qu'ils font du karaté. Après, tu les mets dans un ring UFC, je te dis pas qu'ils vont dominer quoi que ce soit, mais ils ont tellement d'expérience que quand tu les vois faire certains gestes qu'ils ont répétés des années, t'hallucines sur comment il a fait pour faire ce geste-là. Qui te fait galérer parce qu'au début, quand moi j'ai commencé, pour prendre l'exemple du karaté où je connaissais rien du tout, je mettais tout au même niveau. Je me disais, tiens, là il fait un truc, mais ça doit être difficile, mais ça doit être aussi difficile qu'un autre geste, quoi. Alors que maintenant que je comprends la mécanique un peu plus de gérer la distance, etc., maintenant je dois faire des trucs et je suis 15 000 fois plus impressionné parce que je me rends compte à quel point c'est dur ce qu'il a fait. De juste pas simplement faire un coup de pied retourné, d'être précis et de le mettre à chaque fois au même endroit. Et le gars, il le fait les yeux fermés, en contrôlant absolument à 100% à quelle force il va mettre, s'il veut taper, pas taper. Et toi, t'es là, et un coup sur deux, tu fais mal à un mec, parce que t'as tombé sans faire exprès, genre, excuse-moi. Un coup sur deux, tu veux le, je sais pas, l'effleurer dans le ventre, et tu le touches l'épaule. Enfin, c'est des trucs comme ça. Et je trouve ça super, super intéressant de me rendre compte que ces gars-là qui sont profs et qui sont pas des pros, ont déjà ce niveau-là, et je me dis que les pros qui font ça tout le temps, 7 jours sur 7, ça doit être tellement... Moi, je serais curieux de voir un entraînement d'un vrai mec, quoi, un jour, de voir comment ça fonctionne, parce que c'est un niveau tellement fou. Tu vois un mec comme il s'appelle, qui a perdu sa ceinture poids welter, là... Lawler, là. Le mec, il dit que maintenant, il se parle même plus. Je sais pas si t'as su ces trucs-là. Ils sont dans le même club. De quoi? Lui et Woodhead, hein, c'est pas ce que tu veux dire? Non, enfin, ils sont dans la même marque là, American Top Team, mais je crois qu'il y a deux trucs différents, American Top Team Floride et l'autre, il est je sais pas où. Mais ce que Lawler racontait dans une interview, c'est que maintenant il fait plus de sparring en fait, dans son entraînement, quoi. D'accord. Ça fait des années, en fait, il explique qu'en gros, quand tu débutes là-dedans, forcément tu fais du sparring parce que tu sais pas ce que t'as dans le ventre, quoi. T'apprennes à prendre des coups, etc., machin, mais qu'au bout d'un moment, lui, c'est bon, il sait se battre, c'est bon, c'est réglé, et que maintenant, il fait plus de sparring du tout, juste, il travaille juste au sac, il fait juste de la condition physique, etc., des réflexes, des machins, de la stratégie, mais il fait plus de... Enfin, il en fait, tu vois, peut-être 10% comparé à d'autres mecs. Et je me dis qu'attendre ce niveau d'être confortable, parce que, quand tu fais un combat contre quelqu'un... Enfin, c'est chaud. Ouais, c'est sûr. Et ce niveau d'être confortable et de se dire, ouais, j'ai même plus besoin de faire de sparring parce que c'est bon, j'ai passé ce cap-là, j'ai plus besoin de travailler ce côté-là. Je trouve ça assez ouf, quoi. Après, peut-être qu'il aurait dû faire un peu plus de sparring pour son dernier combat. C'est un peu séché, quoi. Peut-être. Mais bon. C'est vrai que c'était encore une bonne surprise. Mais mais ça c'est pareil. Ça, c'est quand j'ai fait mes premiers sparring et que je me suis bien fait dater la gueule. Je me suis dit, et donc je faisais du sparring contre des mecs qui étaient amateurs. Certains faisaient de la compète, mais c'était pas amateur, hein, bien entendu. Mais c'était genre, ok, bon bah je vais essayer de me rapprocher, genre bam bam, je prenais gauche, droite, low kick, je voyais même pas le truc arriver, quoi. Moi j'étais totalement débutant, hein, c'est normal aussi, mais tu te dis, putain, mais donc c'est à dire que les mecs qui font ça, genre ouais, encore une fois, à très très haut niveau, que ce soit genre en boxe thaï où t'affrontes un Thaïlandais de 28 ans qui a 300 combats derrière la ceinture. Ou un mec à l'UFC, tu te dis, mais ces gens-là sont vraiment des tueurs professionnels, en fait. Ah non, c'est clair. Ouais. Moi, je vois le fossé qu'il y a, genre, par exemple, le judo, ça s'applique à tout, hein. C'est pas tellement le fait de se faire défoncer ou quoi, parce que bon, il y a ça réveille tout de suite. Mais moi, ce qui m'impressionne encore plus, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui est en face de toi qui fait absolument ce qu'il veut, quoi. C'est-à-dire que s'il veut te défoncer, il te défonce. Ouais. Mais s'il veut juste te contrôler et te faire, là, je vais te toucher le bout de l'oreille et que tu peux pas l'éviter, et qu'il le fait. Ou alors, quand t'es avec un mec qui fait du judo et que t'as. T'es là, le mec il est plus petit que toi, t'as toute ta condition physique, ta force, quoi, et le mec il te met au sol, mais comme il veut, et au sol il te contrôle, il t'étrangle, il fait ce qu'il veut de toi, et que tu peux pas réagir, et que tu sais même pas ce qu'il a fait. C'est ça que je trouve encore plus balèze. C'est aussi de la maîtrise, mais le contrôle de quelqu'un, c'est un truc que je trouve fou, quoi. Bien sûr, ouais. Et pour l'atteindre, il faut du temps, quoi, il faut des années, des trucs. Mais d'ailleurs, je me demandais, parce que le judo, pour moi, c'était que la projection, mais il était parti au sol, si, en fait. Ouais, et du sol. Après, c'est le problème des règles du judo. Après, je les connais même pas vraiment, les règles du judo. C'est que quand tu mets quelqu'un au sol, je crois que c'est tu dois maintenir la personne. Si tu la maintiens, je sais pas, 20 secondes, je crois. Ou non, peut-être pas 20 secondes, 10 secondes. Enfin, c'est assez rapide, quoi. Tu mets quelqu'un au sol, si le mec, il arrive pas à se dégager, que tu le gardes au sol pendant quelques secondes, tu gagnes le truc. D'accord. Ce qui fait que t'as pas beaucoup de travail au sol. Mais la différence, justement, avec le jiu-jitsu, c'est que au judo, vu que t'as pas beaucoup de temps, la prise, l'immobilisation, la soumission, elle doit être super rapide. C'est pour ça que Ronda, elle met les mecs, elle prend la branle, elle prend bras en 2 secondes, c'est parce qu'elle est habituée à faire que ça. Et les mecs avec qui je fais du judo, c'est ça, quoi. Ils D'accord. te mettent au sol et t'as pas le temps. T'as beau savoir qu'il va te prendre le bras, il le prend quand même, quoi. D'accord. Et okay. C'est ça qui est balèze. Après, le jiu-jitsu, c'est pas pareil parce que tu commences les deux au sol, il y a un côté tu peux te faire soumettre aussi, machin. Mais le judo, c'est vraiment je te mets au sol et je te prends tout de suite. Ça demande si tu veux soumettre, faut que ce soit fait rapidement. Faut que ce soit fait tout de suite. Et limite, si tu vois que t'as raté le truc, tu veux prendre le bras, t'as pas le temps de le prendre et que le gars il est en protection, limite tu lâches l'affaire, tu te relèves ouais. et t'attends le prochain truc, quoi. Mais c'est assez intéressant comme aspect aussi. Mais pour apprendre à faire ça, t'as aussi des phases à l'entraînement où tu fais que du sol. Et ça, c'est pareil, c'est tellement un domaine, c'est comme quelqu'un qui parle une autre langue, quoi. Tu sais pas ce qui ouais, se passe. Ouais, bien t'es sûr. Là, t'as fait du grappling aussi, là. Ouais, un petit peu. Et je sais pas ce qui se passe, t'as juste ouais. un mec, t'enchaînes et toi t'es là. C'est hyper chaud, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair que toute la partie grappling, quand je me suis entraîné en MMA, effectivement, c'était un peu comme être sur Mars. C'était ouais, c'est ça, c'est un autre monde en fait. Quoi. Parce que moi, j'avais déjà quelques années de boxe thaï derrière moi. Et bon, bien entendu, ça n'a absolument aucun rapport. Mais ouais, je repartais de zéro en fait. Ouais, ouais. Et donc, je me retrouvais à terre avec des mecs sans savoir quoi faire. Donc, c'était cool en fait, quoi. C'était intéressant, c'était parce qu'à partir du moment où t'es curieux en fait ouais. et que t'as envie et que t'en sois pas envie de challenge dans ta vie, c'est quand même assez cool, quoi. Mais c'est pour ça aussi, je pense que le MMA ça a autant de succès, ou enfin, mis à part le côté sensationnel, genre ils se frappent dessus, ils suivent au sol, etc. C'est ça demande tellement, enfin, aussi bien d'un côté spectaculaire quand tu connais rien et que tu regardes juste comme ça, tu fais c'est un truc de fou, machin. Mais quand tu t'y connais un tout petit peu, parce que franchement, moi je m'y connais pas beaucoup, au final je fais un peu de trucs, mais je suis pas très technicien ni rien. Mais rien que quand tu t'y connais un petit peu, ce qui est fou, c'est de te rendre compte que les gars qui font ça, parce qu'à l'époque des premiers UFC, t'avais genre le karatéka contre le je sais pas quoi, le boxeur, le machin. Après les jujitsu, les gars du jujitsu, ils ont commencé à tout enchaîner, etc. Mais maintenant, quoi, il faut tellement être à haut niveau dans tous les domaines que ça rend encore le truc encore plus impressionnant. Parce que comme tu dis là, t'as fait de la boxe thaï en grappling d'un seul coup, c'était qu'est-ce qui se passe. Moi, il y a un mec là où je fais dans mon club, je l'ai connu à l'inverse, je l'ai connu au karaté, ceinture, je sais pas, ça faisait un an qu'il faisait du karaté, il avait pas un niveau de fou, quoi. Un mec qui apprend le karaté, quoi. Je le voyais, il galérait un peu comme tout le monde. Et un an après, je me suis inscrit au judo dans le même club. Et je me rends compte que ce mec-là, il est 3ème dan de judo. D'accord. Et genre, grosse maîtrise, le mec au judo, je le touche pas, quoi. Enfin, ouais. vraiment, même pas en rêve, quoi. D'accord. Et c'est ça que je trouvais fou, c'est que le mec est dans une discipline, genre, c'est un gros maître, quoi. Genre, il t'attrape. Même en karaté, des fois, tu sais, t'es là, t'échanges, tu commences à faire un peu de sparring. Et puis à un moment donné. Tu te rends un petit peu dedans et tu t'attrapes le kimono. Lui, s'il touche ton kimono, t'es par terre, quoi, c'est sûr. Tu peux projeter au karaté aussi. Tu peux, mais t'es pas censé le faire. Tu peux le faire en compétition, mais lui, il te fait des projections. Limite, il a pas fait exprès, quoi. Ouais. Il a tellement le réflexe, c'est tellement naturel chez lui qu'il pose ta main sur toi, tu fais putain. Ouais. Genre, il pose sa main sur ton épaule, tu fais merde. Ouais, tu sais que tu vas être par terre. Et ce qui est fou, c'est de voir le mec qui est genre un gros maître. Enfin, un gros maître. Il a, je sais pas, 30 ans de judo dans les pattes, quoi, donc il maîtrise comme un fou. Et au karaté, il est déjà en train d'apprendre, il sait pas mettre une... Enfin, maintenant ça va, mais tu vois, il est pas forcément aussi bon qu'au judo. Et je me dis que les mecs qui font du MMA, en plus à ce niveau-là, tu peux pas te permettre d'avoir une faiblesse. Enfin, il y a des mecs qui ont des forces, mais tu peux pas te permettre de savoir rien faire dans un domaine, quoi. T'es obligé d'avoir des bases absolument partout, quoi. Ouais. Ça, je trouve ça ouf. C'est clair. Franchement, le temps passé à faire tout ça, je sais pas comment les mecs ils font, quoi. Et ça, c'est toujours un peu le sujet qui fâche, enfin surtout pour les gens, des gens un peu novices au MMA qui regardent ça un peu qui aiment bien ça, mais qui regardent ça un peu d'extérieur. Mmh. C'est le truc qui revient souvent, c'est genre j'aime bien mater l'UFC, j'aime bien mater le MMA, mais dès que c'est au sol, ça me fait chier. Ouais. C'est ce qui était mon cas aussi quand même un peu au début. Et c'était ton cas ou pas? Ça dépend. Ouais, ça me l'a fait quand même un peu au début, ouais. Genre, par curiosité, ça t'a pris combien de temps un peu pour passer ce cap, pour trouver de l'intérêt dans toutes les phases au sol ou même les phases de lutte? T'as réussi à décrypter un peu le truc, tu t'es dit genre, ah, c'est intéressant ce qui se passe. Non, en fait, je pense que ce qui m'a fait débloquer, c'est de tomber sur, j'ai pas d'exemple en tête tout de suite, mais de tomber sur un combat avec des mecs au sol qui sont genre des gros tueurs, quoi. Ouais. Tu vois, je sais pas, un mec comme il s'appelle là, le Charles Oliveira, là, tu vois qui c'est, le mec, il est tout maigre et tout ça. Lui, quand il a commencé, genre, il avait cette réputation de gros, grosse maîtrise au sol, etc. Et tu voyais les trucs qu'il faisait. Là, tu disais, waouh, là, franchement, tu comprenais qu'il y avait un truc balèze, quoi. Mais il faut quand même du temps. Enfin, ce qui m'a fait un déclic, je pense, c'est de voir des combats entre un mec qui avait une réputation d'être correct au sol et de se faire complètement dominer par quelqu'un d'autre, par exemple. Et là, tu te dis, ah, ok, donc là, en fait, c'est quelque chose qui se passe. Mais c'est vrai qu'au début, surtout quand il se passe rien, en fait, quand les mecs ils sont à la lutte et que t'as l'impression qu'il n'y a pas d'avancée, c'est difficile de se rendre compte de la difficulté. Mais cela dit, même maintenant, la lutte au sol sans qu'il y ait forcément de soumission, je trouve ça quand même assez impressionnant, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois, les mecs comme il s'appelle l'autre là, je crois que maintenant il est dans World Series of Fighting, je crois. Il avait une réputation là. John Fitch, il est là-dedans, lui. Il est toujours là. Moi, à l'époque, John Fitch, j'étais pas un gros fan ni rien, mais avec l'expérience du truc, je trouvais ça quand même impressionnant d'avoir un mec comme lui qui fait ce qu'il, enfin, même s'il te soumet pas, mais qui te maîtrise pendant tout un combat, quoi. Ouais. Mais ça, par contre, quand tu débutes là-dedans, tu vois un combat de John Fitch, t'es là, genre. Ouais, bien sûr, ouais, c'est clair. Et après, je pense que c'est normal aussi. Parce que quand tu connais pas, tu vois un mec qui tient un autre mec au sol, tu fais bah, il se passe quoi là? Ouais, bien sûr. Pourquoi l'autre il se lève pas et pourquoi l'autre il finit pas, quoi. Donc ouais, c'est un des, pas un inconvénient, mais c'est une des réalités du truc, quoi. Ouais, et c'est vrai que c'est toujours un peu le cap à passer, quoi. Je sais que, titre personnel, mon frangin qui est assez branché sur le combat aussi, qui fait de la boxe aussi. Ouais. Pendant longtemps, ça a fait chier de mater du MMA, quoi. Ouais. Et que depuis récemment, en fait, il a commencé à passer le cap et... il arrive à apprécier le truc dans son ensemble. Ouais. Mais voilà, un combat qui m'aurait fait chier il y a encore quelques années, mais que j'ai vraiment apprécié à regarder, c'était Gunnar Nelson contre Damien Maia. Ouais. Donc c'est deux mecs absolument qui ont un niveau de... Mais voilà, mais c'est pas parce que, par exemple, c'est pas parce que justement Gunnar Nelson, c'est un mec qui est censé être genre un gros tueur au sol, et qui tombe sur Damien Maia, et t'es là, genre tu fais, oh, attends, c'est quoi cette différence de niveau, quoi. Bah si, exactement. Ouais. Je m'attendais pas, surtout, tu as vu le combat? Ouais. Et je m'attendais pas parce que, en gros, Damien Maia il a chopé Gunnar Nelson. Il lui a fait. Alors je vais massacrer des termes, mais en gros, il a pris en triangle au niveau du corps, bêtise, et il a gardé comme ça pendant 3 rounds. Ouais. L'autre, il a pu absolument rien faire, quoi. Et tu te dis, putain, mais un mec de son niveau, surtout Gunnar Nelson, enfin, ce qui est surprenant, c'est que si tu vas sur sa fiche Wikipédia, t'apprends que. Il a soumis, je sais plus quelle compétition, Jeff Manson, qui doit lui prendre peut-être bien 25 kilos. Quoi. Et tu dis, putain, ce mec, enfin, c'est dingue, quoi, la maîtrise du truc. Ouais. Et t'avais pas vu Damien Maia contre John Fitch? Je justement, crois pas. Parce que justement, c'était un des parce qu'en gros, Damien Maia, c'est le mec, il a commencé, c'est genre le gros grappleur, machin, jujitsu, il défonçait tout le monde, soumission tout le temps. Et il a eu une petite phase où il s'est dit, genre, ah, ok, maintenant je prends de la confiance, je peux taper un peu. Et il a commencé à arrêter de faire du jujitsu, quoi. Il a commencé à essayer d'échanger avec des mecs, il s'est fait mettre KO par Nate Marquardt. Enfin, après, il a eu quelques victoires, je crois. Je sais pas s'il a eu des KO, mais bon. Il a un peu délaissé le jiu-jitsu et à un moment donné il s'est fait défoncer par 2-3 mecs. Il a dit, bon, vas-y, je reviens à mes bases, quoi. Et il est revenu à ses bases contre John Fitch et tout le monde était là, genre, putain, genre John Fitch qui est le mec qui avait la réputation de tout le temps, genre, dominer les autres, tu pouvais rien faire contre lui, machin. Et John Fitch, là, il pouvait rien faire contre Maia, quoi. Pendant, pareil, 3 rounds, t'avais Damien Maia en mode sac à dos sur John Fitch et lui était là. Et ce gars-là, notamment, ouais, c'est un mec, c'est un peu comme ces mecs-là, Maia, John Fitch, Jake Shields, des mecs comme ça. Qui sont en gros pas spécialement hyper excitants pour des fans qui connaissent pas, quoi, mais qui ont un niveau de fou, quoi. Enfin, mais après, faut rentrer dedans, quoi. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est pas évident. Même Georges Saint-Pierre. Hein. Ouais, mais après, Georges Saint-Pierre, il avait le côté superstar où ça passait, quoi. Le mec, c'était le champion, donc tu dis, ok, mais je pense que tu prends Georges Saint-Pierre et c'est pas le champion. Je pense qu'il est beaucoup moins adulé et tout, quoi. Ouais, bien sûr. Genre, tout le temps, il mettait les mecs au sol. Ouais. Mais bon. Et là, il y a des rumeurs comme quoi il devrait revenir. Je sais pas s'il va revenir. Ouais. Apparemment, il reviendrait. Bien entendu, il affronterait. Enfin, il combattrait pour la ceinture en direct, ce qui paraît très normal. Mais tu penses qu'il revient en poids welter ou... Bah, c'est chelou parce que ça fait quelques temps déjà qu'il part de lui, qu'il part de son retour. Ouais. Après ils disent genre il va revenir mais c'est juste pour un super fight, pour affronter un mec dans une autre catégorie. Il était question qu'il affronte Bisping à un moment. Pour l'instant on suit aux rumeurs et puis on va voir hein, de toute façon. Mais Georges Saint-Pierre, moi je suis arrivé à la période où il a commencé à parce qu'apparemment quand il est arrivé dans l'UFC, au début de sa carrière, il était assez agressif, il mettait les mecs KO et tout. Ouais, Rush, Georges Rush là, c'est pour ça qu'il avait ce surnom apparemment. Voilà. Et moi je suis arrivé à la période où maintenant tout le monde appelait GSP. Ouais. Et il se contentait, non c'est pas qu'il se contentait, mais il dominait les mecs pendant 5 rounds. Ouais. Mais ce qui déjà en soi est impressionnant, tu regardes son combat contre Dan Hardy, ouais, putain. C'est une domination ultime quoi. Ouais. Mais ce qui était bien à l'époque. Enfin, je sais pas que c'est pas pareil maintenant, mais à l'époque, je me souviens des combats que j'ai vus en premier, lui, je sais plus dans quelle heure j'ai vu Dan Hardy, mais j'avais vu, il y a eu une époque où il a enchaîné, il y avait Dan Hardy, il y avait Thiago Alves, il y avait il y a eu John Fitch aussi, ouais. Bref, et en fait, il y avait une époque pour lui en tout cas où chaque mec qu'il allait affronter, tu disais, ah putain, comment ça va se passer? Je me souviens, alors Thiago Alves, je me disais, oh, quand même, Thiago Alves, c'est chaud quoi, ouais. Parce qu'il est quand même balèze. Et à chaque fois, le gars il dominait, mais genre. Ouais. Genre, en fait, pourquoi tu t'es posé la question quoi, genre, ouais, c'est ça. Donc, ouais, lui, balèze. Après, là, s'il revenait, moi je sais pas trop. Parce que je pense que le niveau a monté aussi, hein, globalement. Ouais, mais c'est marrant ce que tu dis parce que, effectivement, moi, du coup, je regarde l'UFC depuis 2011. Ouais, 2011. Donc ça va faire 5 ans et ça a quand même vachement changé quoi. Ouais, sur l'organisation, les combattants, les stars, ça a vachement évolué très très rapidement. C'est ça qui est intéressant aussi d'ailleurs. Mais du coup effectivement ça irait bien, qu'est-ce que ça donnait. Après c'est un mec qui... Enfin j'ai l'impression que c'est un mec qui est tellement tellement professionnel, mais qui est tellement en fait, qui a l'air tellement genre angoissé, qu'il veut tellement rien laisser au hasard, que le mec s'il arrive, ce qui est sûr c'est qu'il sera à 100% quoi, je pense. Ouais. Mais je sais pas. J'arrive pas à m'imaginer son retour. Après, voilà, s'il a les mêmes techniques qu'avant, cela dit, il prend n'importe qui, il le met au sol et voilà quoi. Ouais, enfin, ouais, en théorie, effectivement. En théorie, ouais. Ouais, ouais. Mais bon. Un des combattants qui m'a c'est pas qui m'a surpris, mais enfin, je veux dire, j'hésitais à utiliser le terme qui m'a déçu. Non, c'est pas le cas, mais c'est Rory McDonald quoi. Parce qu'il y a eu cette défaite contre Robbie Lawler. Enfin, c'était un combat absolument. C'était un combat de ouf. Ouais. Qu'on avait maté ensemble d'ailleurs. Et il a mis du temps à revenir parce qu'il avait une énorme fracture du nez. Enfin, c'était. Il fallait vraiment qu'il prenne son temps pour combattre. Est-ce que tu as vu son combat contre Stephen Thompson? Ouais. Est-ce que tu penses que. Est-ce que tu penses qu'il a atteint un peu le maximum de son potentiel ou. Je sais pas. Enfin. En fait, avec lui, le truc avec lui, c'est qu'il a, quand il a commencé, les premiers combats que j'ai vus de lui, c'était à l'époque où il avait un surnom un peu à la con, là, c'était Waterboy. Ouais. et c'était genre limite le mec, genre, wow, lui, ça va être sûr et certain, ça va être genre, le prochain champion et tout. Il a que, enfin, je sais pas quel âge il avait, 19 ans ou quoi. Enfin, il était jeune. Et tout le monde était là, genre, ouais, lui, c'est le premier mec qu'on a qui s'est pas entraîné en faisant du judo ou je sais pas quoi. Il s'est entraîné en faisant direct du MMA et tout. Il va être trop fort, machin. Et en fait, j'ai l'impression qu'une fois qu'il a essayé d'arriver au titre, enfin contre les mecs les plus balèzes, et qu'il s'est fait calmer là par Lawler et tout ça, j'ai l'impression qu'il avait un côté plus trop peut-être stratégique, réfléchi, parce que de là où il vient là, dans son truc Tristar là, ils ont ce côté ouais on est gravement stratège et tout avec Georges Saint-Pierre tout ça, et j'ai l'impression que contre Wonderboy et tout, il avait ce côté vachement calculateur de ce qu'il allait faire, sauf que Wonderboy en fait lui il enchaîne quoi. Et je sais pas si c'est une question de il a atteint ses limites ou s'il était trop sur la réserve et il était trop dans le cérébral à dire ouais, dernier combat je suis allé un peu trop fort, je me suis fait un peu déboîter, donc là je vais essayer de faire des stratégies, des trucs. Parce que quand tu regardes ses combats à McDonald's, c'est toujours. Tu vois, c'est pas genre un gros. C'est pas un mec aussi rentre dedans que d'autres, quoi. Dans le sens où tu vois contre BJ Penn, c'est vachement. Il aurait pu le finir, mais c'est vachement. Là, tranquille. Enfin. comment dire, mesurer. Tout ce qu'il fait, c'est mesurer. Et je pense que dans, contre, dans ce combat-là, d'un point de vue analytique, entre guillemets, c'est que c'était vachement mesuré et qu'il s'est juste laissé déborder. Ouais. Et je sais pas si ça traduit forcément le fait que lui, il soit au bout de son potentiel, quoi. Je sais pas s'il aura, je pense qu'il aura pu combattre autrement, quoi. Ouais, d'accord. Mais oui, qu'il a décidé de faire une stratégie qui a pas marché, ouais. mais qu'il aura pu faire autre chose, quoi. D'accord, ok. Parce que tous ces combats, c'est ça. Tu aurais contre Woodley, même les deux contre Lawler, c'est vachement machin. Parce que dans, contre Lawler, enfin, après, voilà, c'est ce que je dis, il aura pu finir. Après, t'as le côté fatigue, le côté machin. Mais même contre Lola, t'avais des phases où il aurait pu continuer à pousser, mais il a cette approche tellement mesurée qu'il attend un peu, donc ça lui a servi dans plein de combats de fonctionner comme ça pour gagner. Mais il y a d'autres combats où je pense que s'il avait poussé un peu plus un aspect de sa façon de combattre, il aurait pu gagner, quoi. Ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est mais c'est un combattant qui est vachement intéressant. Ouais, ouais. Et ce qui va être intéressant aussi d'ailleurs, c'est, je crois qu'il était arrivé à terme de son contrat avec l'UFC. Oui, il y avait ça aussi, je me dis, parce que je pense qu'aussi, quand tu penses à tous ces éléments-là, dans ce combat contre Thompson, je pense que le gars, il se dit aussi qu'il a pas envie de finir son contrat sur une défaite où il se prend un KO de malade, parce que s'il veut négocier quelque chose derrière, peut-être que, ouais. peut-être que c'est moins évident quand tu ressors d'une défaite cuisante, quoi. Ouais. Donc peut-être que aussi, t'y penses aussi quand t'arrives, quoi, t'es mesuré, tu fais gaffe, t'essaies de gagner tranquille et tout. Là, il a perdu, mais bon, il a pas perdu de manière humiliante ou quoi, donc il peut toujours négocier des choses, enfin, je sais pas. Je pense que ça doit jouer aussi, quoi. Ouais. Cet aspect là oui, effectivement, c'est peut-être un petit peu plus de pression sur lui, quoi. Ouais, ouais. C'est un plus des... il a eu un gosse là il y a pas longtemps, d'accord. Ouais. Je sais qu'il avait fait une sortie récemment par rapport à je sais plus quel événement, mais en disant que en gros les combattants touchaient pas cette thune, ouais. et que c'était pas normal. On verra de toute façon ce que l'avenir lui réserve, mais non, moi c'est clairement mes combattants favoris, c'est sûr, quoi. Ah ouais, ah bah justement, je voulais te poser la question aussi. Je t'avais dit, je t'ai demandé quoi, la catégorie de poids et tout que tu suivais de plus près ou quoi. Tu m'as dit plutôt poids léger, tout poids ça. Léger, ouais. Au niveau des combattants, si t'as des mecs qui sortent du lot pour toi, ce serait. C'est marrant parce que je me pose souvent la question, en fait. Genre, ouais. Si je vais me faire. Quand je suis au taf et que je fais des trucs chiants, répétitifs, et que mon esprit divague, voilà, quoi. J'essaie de me faire mes top 5 ou mes top 10 de mes combattants favoris. C'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est y a toujours d'autres noms qui arrivent. Ouais. C'est jamais les mêmes. Mais enfin, je dirais, j'aime beaucoup Khabib Nurmagomedov. Ouais. Parce que il me fait marrer avec son énorme shapka. Ça s'appelle pas comme ça, mais il me fait marrer, quoi. Ouais. Et enfin, il est très très bon, quoi. Mm. Et là, il a eu un break de 1 an et demi, 2 ans au moins. Ouais. Parce qu'il y avait une sale blessure. Mais son combat avant ça, c'était contre Rafael dos Anjos. C'est pareil. Il a plaqué au sol pendant 3 rounds et il a marrage. Ouais. Donc c'était quand même pas mal impressionnant. Le mec, il a 22-23 combats, il est invaincu. Voilà, quoi. Donc il y a lui. Il a fait un combat depuis. Oui. Contre un mec un peu inconnu, je crois. Je crois qu'il devait affronter Tommy Ferguson. Ouais, mais. Et du coup, enfin, il y a son adversaire TDC, donc il y a un mec inconnu qui a chapeau de Pac d'ailleurs. Mm. Donc il y a lui, il y a Rory McDonald, ça c'est sûr. C'est vrai qu'il y a souvent ces deux-là qui reviennent. Après, c'est vrai que ça change, ça tend à changer énormément. Si je devais en donner qu'un troisième, je pense que je dirais. C'est dur, franchement, c'est dur. Parce qu'il y en a plein, en fait, qui sont vraiment bons, quoi. Mais tes critères, ouais, tu. Donc, Khabib, là, c'est le côté dominant, quoi. Le mec, il est bien balèze. Genre, par exemple, Rory, c'est quoi qui fait que c'est un de tes préférés? C'est déjà. Très sincèrement, déjà, c'est sa tronche et son comportement qui me fait marrer, quoi. Ouais. Son côté ultra timide et ultra enfermé, quoi. Je sais que c'est pas du catch, on n'est pas censé prendre en compte des personnalités des mecs, mais... Ouais, mais bon, ça joue aussi. Ça joue aussi, ouais. Tu vois, genre, Bisbing... Oui. Sa personnalité joue pas mal dans le fait de l'apprécier ou pas, quoi. C'est sûr. Ouais, non, faut être attention, oui, c'est sûr que c'est un tout, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est toujours un peu chiant quand un combattant qui est là, genre... qui fait, genre, zéro trash talk ou qui dit juste des banalités, bon, ouais. Donc il y a ça qui me plaît, et puis surtout le côté de son côté complet et son côté aussi, comme tu disais, ce qui a peut-être un peu causé son causer sa mauvaise période en ce moment. Ouais. C'est son côté ultra stratégique, justement, quoi. Je me rappelle notamment son combat contre Lawler. Je sais pas si tu avais remarqué, mais on voyait qu'il y a une stratégie très précise et il sortait très souvent un front kick contre Lawler, par exemple. Contre Stephen Thompson, il a sorti ce truc plusieurs, peut-être au moins 4-5 fois, si je dis pas de bêtises, cette espèce de roulade pour faire ses jambes. C'était horrible. Enfin, je veux dire, c'était comment dire. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis la stratégie, si elle avait marché, tu dis franchement, genre, ouais, c'est ça. Mais ouais. Le truc, c'est que ce qui rendait le truc un peu dommage, c'est qu'il l'a foiré une fois, deux fois, trois fois, et il l'a fait, genre, je sais pas combien de fois pendant le combat, quoi. Donc, bon, après, mais c'est vrai que tu sens qu'ils ont une grosse stratégie, et tu vois, genre, pour rebondir dessus, c'est que t'as ce type de combattants qui ont vraiment une stratégie déterminée et tout, et qui sont là, vas-y, c'est bon, j'ai trouvé le chemin pour gagner, et souvent ça paye, et puis bon, après, des fois ça paye pas, mais ce qui leur fait défaut, à contrario d'autres combattants qui ont ce côté, enfin, t'en as, bon, je pense qu'ils le disent aussi pour se la raconter un peu, ils sont là, genre, on a pas de stratégie, moi j'y vais, je rentre là-dedans et je m'adapte, quoi. Bon, tu fais ok, mais tu vois un mec comme il s'appelle Demetrius Johnson là, c'est un gars, je pense qu'il a une stratégie, mais tu vois dans ses combats qu'il a aussi ce côté vachement je viens et je vois comment le mec réagit et je m'adapte, quoi. Ouais. Et je pense que ce qui peut manquer peut-être à McDonald's, c'est ce côté de pouvoir aussi changer sa stratégie parce que ça marche pas, quoi. Parce que t'as l'impression qu'il est vraiment sur un truc, ils ont étudié le truc, ce qui va marcher contre ce mec là, ça va être ça, ça et ça. Et donc il va faire que ça, ça et ça, et il testera pas de truc un peu fou, peut-être dans les 10 dernières secondes du round, il va tester un autre truc, et c'est peut-être un peu dommage, quoi. C'est vrai effectivement qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a peut-être un petit souci de capacité d'adaptation, quoi. Après, je sais pas, c'est un problème de capacité, je pense qu'il peut le faire, mais qu'il n'est pas entraîné dans ce sens-là, quoi. Il est entraîné sur un autre truc. Mais après, bon, tu regardes, voilà, pour un mec comme Saint-Pierre et tout, même pour McDonald's au final, que cette approche hyper stratégique, ça a marché pour plein de fois, quoi. Bien sûr. Donc après, tu peux pas non plus critiquer le truc, voilà. Ouais. Bon. C'est marrant, c'est au Glory, dans les poids légers, t'as un combattant géorgien qui s'appelle David Carrier. Ouais. Ce mec est très très bon, mais à chaque fois que je vois un de ses combats, le mec tente un espèce de... ils appellent ça de cartwheel kick, une espèce de coup de pied retourné en partant d'arrière, enfin c'est un truc vachement acrobatique en fait. Quoi. Le mec, il le tente genre 4-5 fois, il le tente genre une ou deux fois dans chaque round, et ça passe jamais, quoi. Et j'ai vu au moins 5 combats de lui, quoi. Pourtant le mec sans tête, un jour ça passera, ce sera cool. Hein. Non mais c'est marrant, c'est tous ces mecs là qui ont ce côté un peu signature, mais ce qui est marrant aussi, c'est que tous ces mecs qui ont le côté signature, ils se font, au bout d'un moment ils se font contrer, t'as tellement un truc qui est récurrent, je trouve, dans les combattants en général, toutes disciplines confondues, c'est que t'as un mec qui arrive avec une stratégie ou une façon de se combattre que personne n'a vu ou qui est un peu différente, et le mec il est impossible à battre, et puis après t'as un mec qui trouve comment le faire, et le gars en question il se fait calmer, tu vois, genre... comme il s'appelle Pettis là, ou Machida, des mecs comme ça, ou enfin plus Machida, tu vois, quand il a commencé, le gars juste trop frustrant, quoi. T'étais là genre personne ne peut le battre, enfin il avait pas l'air invincible, mais juste sa façon d'être, t'étais là genre mais quoi. Et une fois qu'ils ont capté qu'il faut le charger, il galère beaucoup plus, quoi. Pettis c'est pareil, le mec il faisait ce qu'il voulait, il faisait des trucs dans tous les sens. Et maintenant, c'est plus pareil, quoi. C'est d'ailleurs ces deux mecs. Encore, bon, Machida, il commence à se faire un petit peu vieux, quoi. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'il a pris comme ça de moins cher lors de ce dernier combat. Ouais, il s'est fait calmer. Hein. Pettis, je pense qu'il peut encore. En mon avis, je pense qu'il peut encore progresser parce qu'il est encore assez jeune. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que quand il est arrivé dans l'UFC, il a fait un malheur, quoi. Au début, ses premiers combats, c'était vraiment impressionnant. Mais du coup, toi, si t'avais des combattants favoris, ce serait lesquels? Bah, pendant que tu parlais, j'étais en train de redouter la question. Je me suis dit, merde, pourquoi j'ai posé cette question? Je me suis dit, autant qu'il y a un petit peu. C'est hyper dur. Après, moi, j'ai plus des phases, mais j'aurais du mal à faire un top précis, quoi. Allez, faut que je donne 3 mecs. Excuse-moi, je te coupe, mais j'ai trouvé mon problème. C'est Dan Anderson. Dan Anderson? Ouais. Parce que c'est un des premiers KO de ouf que j'ai vu, c'est lui, son KO contre Bisping. Ouais. Et pareil, j'aime bien son côté un peu bonhomme, il est un peu tranquille comme mec, quoi. Ouais. Et son côté aussi très efficace dans la cage, et même malgré son âge, le mec continue à combattre avec plus ou moins de succès, mais c'est toujours cool de voir dans la cage, quoi. Bah, moi, je vais le piquer Dan Anderson en troisième, peut-être. Enfin, après, je vais pas faire de classement dans l'ordre, quoi. Mais moi, ce que j'aime bien dans son style, c'est ce côté tranquille. Et moi, ce que j'adore, c'est que tu vois, je te disais juste avant qu'il y a des combattants, t'as du mal à les décrypter et tout. Puis après, au bout d'un moment, tu trouves comment les battre et machin, nanana. Moi, ce que j'adore avec ce mec, c'est que il arrive dans un combat, c'est bon, tu sais ce qu'il va faire, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas de surprise, il n'y a rien. Et le mec, il a cette pause là, avec toujours le point, tu sais, genre, à attendre, comme un, tu sais, en train de viser et tout, ouais. À te suivre, à faire toujours cette combinaison, genre, inside kick là, et après il enchaîne avec la droite. Et ça marche pas à chaque fois, mais enfin, j'adore ça. Et après, quand tu regardes son parcours aussi, je trouve que c'est un mec qui est discret et tout, on ne t'en passe parler, mais c'est un gros vétéran, Pride et tout ça, il a défoncé mais trop de gars. Quand tu vois son palmarès et tout, ça, bah, j'aimerais bien, tu vois, le voir gagner le titre là contre Bisping et après se mettre à la retraite, genre, c'est bon. Ouais, ça serait parfait. Ouais. Parce qu'en gros, je crois que c'est son objectif, hein, parce que je crois qu'il l'a dit, si je dis pas de bêtises, que qu'il gagne ou qu'il perde, c'est son dernier combat. Son combat, ouais. Donc ce serait bien qu'il parte sur une victoire, et après, tu vois, en plus qu'il parte sur une victoire, après qu'il abandonne le titre et que t'as vraiment, genre, qu'il fasse un tournoi aussi, je trouve ça, c'est un truc qui pourrait être pas con dans l'UFC. Ouais, j'aimerais qu'il fasse un tournoi. Parce qu'après ils peuvent pas forcément le faire pour n'importe quel titre, parce que ils ont déjà un système en place qui est déjà là, quoi. Ouais. Mais pour une circonstance comme ça, quand t'as un mec, pour moi je pense que c'est ce qu'il devrait faire, quand t'as un mec qui se fait enlever son titre comme Cruz là quand il était blessé, ou Jones là quand il était machin, si t'as un mec qui perd son titre autrement que par une défaite dans un combat, je pense qu'il pourrait trouver l'opportunité de faire un tournoi dans la catégorie de poids pour trouver le prochain champion, quoi. Après, c'est pas forcément évident parce que t'as les mecs qui ont combattu à tant de temps, les mecs blessés, les mecs pas dispo, je sais pas quoi. Mais j'aimerais bien qu'il gagne, qu'il laisse le titre et qu'après que t'aies un tournoi pour le prochain champion, quoi. Mais j'avais vu au Bellator, ils avaient fait ça, ils avaient fait un tournoi chez des lourds légers pour un champion. Ouais. Et c'était assez cool à mater, quoi, parce qu'en gros, t'as. Ça faisait genre 3 combats en tout, si je dis pas de bêtises, ça faisait genre 2 demi-finales et une finale. Et celui qui gagnait la finale, en gros, affrontait le champion. Ouais. Et c'était assez distrayant, ça fait une espèce de mini-histoire, mini-challenge, en fait, dans ta soirée, quoi. C'est ça qui est assez cool. Mais ça, ils l'ont fait en une soirée ou en plusieurs trucs? Non, en une soirée. Il y a ce truc là où Glory ils le font aussi, là où ils font des tournois où tu combats plusieurs fois dans la soirée, c'est quand même hardcore, quoi. Après, pour combattant, c'est sûr. C'est chaud, quoi. En tant que spectateur, c'est cool à voir. En tant que combattant, ça va pas être la même, quoi. Ouais. Ça doit être hyper chaud, hein. Mais ils faisaient, en tout cas, au Bellator, parce que maintenant ils font du kickboxing, mais quand Bellator MMA, c'était des combats, je crois que c'était genre, c'était juste 2 rounds ou un truc comme ça. Ouais, c'était des combats qui étaient revus, quoi. C'était un format peut-être un peu plus simple pour les combattants. Mais par contre, dans Glory, c'est des combats entiers. Ouais. J'ai vu quoi là? J'ai vu il y a pas longtemps, j'ai maté le tournoi avec qui finissait avec Rico Verhoeven contre je sais plus qui, j'ai oublié. C'était Rico Verhoeven qui était dans le tournoi ou Dans le tournoi. D'accord, ah, donc ça date un peu là. Ça date un peu, c'est vieux. Ouais. Mais le format de tournoi, je le trouve taré, quoi. Ouais. Enfin, tu les vois à la fin. C'est clair. Franchement. Ils doivent se sentir trop mal, quoi. Non, c'est clair. Je pissais plus sang pendant 2 semaines, mais... Ouais. Mais après, c'est un style de vie... Enfin, je pense qu'il faut être un peu taré, quand même, d'un côté. Parce que, tu vois, on disait au début, c'est, enfin, genre, c'est impressionnant, etc. Franchement, c'est impressionnant. Mais il faut avoir un petit truc... Enfin, quand t'atteins ce niveau-là, en tout cas... Faut aller loin, quoi. C'est clair. Parce que tu te sens, parce que même si t'as gagné ou quoi, tu sors de là, je sais pas pendant combien de temps tu te sens mal, quoi. Ouais, c'est clair. Vois, genre, enfin. Ouais. Mais bon, c'est un style de vie, quoi. C'est vrai que surtout qu'en plus, même les mecs à l'UFC, mis à part les grands champions, ils gagnent pas des tonnes et des tonnes de fric non plus, quoi. Bah ouais. Enfin, j'ai l'impression de ce que je vois des chiffres qui sortent. Mais après, je sais pas comment ils font. Enfin, je pense qu'il y a le délire de sponsor, etc. Mais. Je sais pas, ils font des séminaires, des trucs comme ça. Ouais. Ils doivent s'organiser, quoi. Il y a encore des sponsors depuis qu'il y a deal avec Reebok, c'est plus tout à fait la même, quoi. Ouais. Mais faut vraiment vouloir faut avoir cette espèce d'obsession de se prouver que t'es tout le temps meilleur. Enfin, je sais pas, tu vois. Mais moi, je suis curieux de voir, justement, là, pour ces trucs-là d'argent et tout ça, de voir comment ça va être, on va dire, dans 10 ans. Avec tous les mecs qui, genre, on va dire, se sont mis, tu vois, qui sont jeunes maintenant, qui sont mis au MMA, au sport de combat maintenant, avec ce côté, maintenant c'est possible de se faire de la thune, quoi, avec cet objectif UFC, parce que tous les mecs, même de maintenant, quand ils ont commencé, c'était je vais pas dire purement par passion, mais c'était pas genre je vais devenir une star quoi. Ouais, les mecs ont commencé, tu vois, tous les mecs actuels quoi, les champions actuels, ils ont commencé juste parce qu'ils faisaient un sport de combat et puis ils ont atteint un niveau et ils ont continué quoi. Mais je me demande quelle approche ça va être pour tous ces nouveaux mecs qui arrivent avec ce côté un peu potentiellement être une star, potentiellement se faire des thunes et tout. Si ça va changer un peu la donne quoi. Parce qu'en gros, c'était les mecs de maintenant, c'est des vrais, entre guillemets, quoi. Genre des gros hardcore qui faisaient ça à l'époque où ils gagnaient genre 50 balles après le combat, quoi. Ouais, Genre, tu vois, tous les mecs Lawler et tout ça, ils ont commencé, ils gagnaient, je sais pas, rien, quoi. Ouais. Et ils ont continué. Donc, je me demande, ce que ça va changer, quoi, ce que ça va apporter en bien, en mal, je sais pas. Mais c'est ça d'ailleurs que j'aime bien dans le sport, c'est que comme c'est un sport qui est quand même assez jeune, c'est le fait que ça évolue quasiment constamment en fait. Et que ce soit le sport en soi, ou les organisations qu'il y a autour, ou les règles, ou les combattants, ou les styles, enfin il se passe toujours quelque chose, un truc de nouveau en fait. Ah mais d'ailleurs ils vont changer les règles, t'as suivi ça? De loin. Je sais pas c'est quoi les nouvelles règles. Je sais qu'une des plus importantes en tout cas, a priori, c'est le fait de pouvoir frapper son adversaire au sol. Parce qu'avant c'était. Ça rend les frappes au sol beaucoup plus simples. Je crois qu'ils ont changé la règle de définition d'un adversaire au sol, non? Oui, en gros c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Parce que. Attends, ils disent quoi? Oh putain. Parce que j'ai vu une interview là de Dimitrius Johnson qui explique un peu ça. Enfin, il explique pas ça, mais on lui pose une question, qu'est-ce qu'il en pense et tout. Et il explique qu'en gros, avant, dès que t'avais ta main au sol, t'étais considéré comme étant au sol. Ouais, c'est ça. Et que maintenant, tu dois avoir les deux mains et avoir le poing complètement au sol. D'accord. Et en fait, pour lui, en fait, en tout cas, son avis là-dessus, c'est que c'est un peu débile parce que, enfin, c'est bien qu'ils fassent un changement, quoi, qu'ils examinent le truc. Mais que en gros ça change rien par rapport aux mecs qui utilisaient cette règle pour pas se prendre de coups quoi. Genre les mecs qui mettaient juste leurs mains et tout, ils peuvent faire pareil avec les deux mains quoi. Mais je sais pas ce qu'il y a d'autre comme changement, je me posais la question de ce qu'il y avait. Ils veulent changer le scoring, critère de score, D'ailleurs, ça, t'en penses quoi des règles actuelles? Parce que bon, les nouvelles règles, on n'a pas suivi, mais des règles actuelles, la façon dont ils jugent les combats, toi, il y a beaucoup de combats, par exemple, que t'as vu, que t'aurais jugé pour un mec qui ont été jugés pour un autre, ou en général, tu trouves que c'est ok? En général, je suis pas extrêmement choqué par les résultats des juges. Après, c'est sûr que j'en ai vu quelques-uns où là, ça me semble être n'importe quoi. Ouais. Après c'est compliqué parce que vu que je reste quand même relativement novice, c'est déjà arrivé qu'ils apportent des nouvelles idées sur la table et c'était des idées qui me paraissaient très bonnes et je me suis dit putain pourquoi j'y ai pas pensé avant quoi. Je me suis dit ce qui est des idées qui paraissaient assez logiques en fait. Ouais. Et je pense qu'en fait en gros s'ils apportent un nouveau système de jugement, un nouveau système de notation, ce sera la même. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à me projeter, à me dire si j'étais à leur place, qu'est-ce que je pourrais faire quoi, tu vois. Ouais non c'est clair. Ouais. Dans l'état actuel des choses, c'est bizarre parce qu'en fait il donne un gagnant, en gros il donne un gagnant et un perdant à chaque round. Ouais. Et pour ça j'ai l'impression qu'ils se basent pas vraiment sur des chiffres ou sur les statistiques, mais plus sur l'ensemble du round selon le juge en fait. Ouais. C'est-à-dire selon moi en gros quel combattant qui a mieux fait que l'autre quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est pas évident de juger comme ça quoi. Ouais, y a pas de critères, enfin t'as les mises au sol, tout ça, mais c'est un peu, pas au feeling, mais un peu quoi, t'as l'impression des fois que c'est un peu genre, je pense que c'est lui qui a gagné. C'est un peu ça, ouais. Et aussi, moi ce que je comprends pas, parce que moi tout ce qui est règles, que ce soit en boxe, enfin règles de notation, je veux dire en boxe, en MMA, en ce que tu veux, je vois ça vraiment très loin quoi, j'ai jamais examiné le truc de près, mais le côté, tu vois, de mettre 10 à un mec et 9 à l'autre, par défaut je comprends pas, je trouve que c'est vachement limité comme approche, parce que c'est en écoutant même des podcasts tout ça, où t'entends les mecs qui en parlent, où tu dises que c'est super rare que t'aies un round où t'en as un qui a 10, l'autre qui a 8, des choses comme ça, alors que justement ça permettrait de plus clairement définir certaines choses. Et je trouve ça bizarre de mettre quand même 9 points entre guillemets à un mec qui s'est fait genre dominer. Ouais. Et je comprends pas pourquoi c'est pas alors l'inverse quoi, qu'on a un truc de 1 à 10 ou je sais pas et mettre une note basée sur des trucs précis quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment ça fonctionne. Bon. Mais cela dit, comme tu dis, ouais, y a pas non plus tant de décisions choquantes, genre ouais, faut tout changer, là c'est abusé ou quoi. Ouais. Donc après, c'est pas non plus dramatique. C'est ça. Et puis de toute façon, enfin ça va être comme de le taf le moins facile du monde, quoi, parce que t'as des combats, tu regardes, je sais rien moi, tu regardes Johnny Hendricks contre Georges St-Pierre. Ouais. Le truc c'était une espèce de, d'énorme guerre, et toi ouais. t'es juge, et t'as 20 000 personnes qui hurlent, et toi tu dois donner ton avis là tout de suite maintenant, quoi. Ouais, ouais. Donc ça va pas très vite non plus, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, ce combat, il était spécial, et Johnny Hendricks, là, il a disparu, quoi. Genre, ouais. Le mec, c'est fou. Parce que moi, j'étais limite... Enfin, déjà, ce combat, je m'étais dit, ouais, je sais pas, qui a gagné, machin. Après, il a eu ses trucs avec Lawler, c'était un peu serré et tout, mais il restait toujours comme un mec qui était, voilà, qui était vraiment en haut de la division, machin, qui était menaçant, et le mec, il est... Genre maintenant, ouais, on a parlé quoi. Ouais. C'est fou. Parce que, en fait, il a perdu son combat pour le titre contre Georges St-Pierre. Ouais. Et Johnny Hendricks, c'était un mec qui réclamait son combat pour le titre depuis quelques temps déjà, je me rappelle. Ouais. Et en plus, il mettait les mecs KO super rapidement, enfin, c'était vachement impressionnant. Ouais. Et du coup, après, donc, Georges St-Pierre s'est barré, il a affronté Robbie Lawler pour la ceinture, il a gagné. Ouais. Ils se sont réaffrontés, il a perdu la ceinture. Ouais. Et ouais, c'est à partir de ce moment-là en fait où il est un peu. Bah après, il avait un combat contre Woodley là. Il a pas fait. Il était malade quoi. Il est pas ouais. venu. Il a pas pu prendre le temps, atteindre le poids qu'il fallait quoi. Et il a même pas fait le combat. Je crois que c'était ça. Ouais. Et du coup, Woodley était genre ah, putain, c'est abusé. Et ils lui ont dit t'inquiète pas, quand le prochain, ce sera pour le titre. Enfin, c'est à ce moment-là, je crois qu'ils lui ont plus ou moins garanti qu'il pourra se battre pour le titre. Et après, il est revenu contre. C'était contre Wonderboy qu'il est revenu, qu'il s'est fait calmer direct ou il y a eu un combat avant Je crois qu'il a perdu contre Kevin Gastelum d'abord. Il a perdu contre Gastelum d'abord. Je crois bien, ouais. Petite recherche. Parce que moi je croyais qu'il y avait eu un combat que j'ai oublié, qu'il y a eu Wonderboy et après il y a eu Gastelum. D'accord, attends. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, d'un seul coup, lui, on n'entend plus parler quoi. Ouais, c'est. Effectivement, en plus, il y a eu des gros soucis pour atteindre son poids de forme pour combattre. Parce qu'il y a eu une époque où ils l'ont dit carrément, je crois que c'était après le truc de Woodley, ils l'ont dit ouais. carrément, c'est bon, t'es plus dans les welter, quoi, tu passes au poids moyen, quoi. Oui, il y avait une histoire comme ça, effectivement. Ouais. Il voulait l'obliger ouais. à rester ouais. en poids moyen, il a dû négocier ou je sais pas quoi, je sais pas s'il a dû faire un combat quand même en poids moyen ou pas. Mais, tiens, bam. Du coup... Ah non, c'est ça, il a gagné contre... Après sa défaite contre Robbie Lawler, où il a perdu la ceinture, il a gagné contre Matt Brown. Ah ouais. Et ensuite, effectivement, il s'est pris une volée contre Stephen Thompson, c'était vachement impressionnant d'ailleurs. Et à UFC 200, il a perdu contre Gain Castellum, où ils ont fait le combat à catchweight, c'est-à-dire qu'ils sont mis d'accord mais sur le poids. Les deux, ils ont... C'est les deux qui n'ont pas réussi à faire le poids, ou... Sur Castellum aussi, il a une histoire de rater poids. Oui, effectivement, dans ce cas-là, c'était Hendricks. Mais Hendricks, c'est fou, quoi. Ouais, c'est bizarre, ouais. Je sais pas, c'est... Et tiens, d'ailleurs, dans les poids welter, t'en penses quoi de Wonderboy, là? Vachement impressionnant. Ouais, ouais, grave. Bah déjà avant un mec il met KO Julien Hendricks au premier round. Enfin en plus d'une. Enfin en MMA en tout cas j'ai jamais vu personne se faire mettre KO comme ça quoi. Ouais, ouais. Et ensuite il gagne son combat contre Rory McDonald. Alors il faudrait que je remette le combat parce que ça m'avait un peu surpris cette décision des juges, mais Et tu voyais McDonald gagner? Ouais, enfin dans mes souvenirs en tout cas je voyais McDonald gagner. Ouais. Mais en tout cas, bref, il a quand même gagné quoi. Il est assez, donc du coup là j'imagine qu'il est censé affronter Tyler Woodley pour le titre. Bah je sais pas parce que là je sais pas ce qui a été prévu, mais ce que j'ai vu dernièrement, donc quand il a gagné Woodley là, il s'est fait interviewer machin, et ils lui disent ouais alors le prochain c'est Stephen Thompson, et il lui fait non Stephen Thompson il disait qu'il voulait se battre contre Robbie Lawler, enfin en gros il faisait un peu le gamin quoi, en disant genre moi quand j'étais prévu pour le titre personne n'a cru en moi, ouais. tout le monde prévoyait déjà le prochain combat de Lawler et tout, ouais. personne ne calculait, donc ben, s'il veut se battre contre Lawler il a qu'à se battre contre Lawler, il fait maintenant moi je veux récupérer des sous et tout, donc en fait il voulait se battre contre Nick Diaz. D'accord. Okay. qui est plus suspendu là, c'est fini. Ouais, oui, j'ai vu ça. Et donc moi je pense que ça va pas se faire quoi. Mais c'était ce que lui il voulait quoi, Woodley, donc je sais pas. D'accord. Ouais, sinon je pense que théoriquement c'est lui, hein, c'est Thompson. Mais bon. Ouais, d'accord. Mais ce serait pas contre sa part de vouloir un combat contre Nick Diaz, c'est un combat peut-être plus facile qu'une revanche contre Lawler ou contre Stephen Thompson. Mmh. Et Nick Diaz, je pense qu'il attire toujours un peu les foules donc. Mais après Nick Diaz c'est un truc. Enfin, j'ai un côté aussi, enfin pas dire fasciné quoi, mais je trouve ça fou en fait, leur approche, les deux frères là. Ouais. Parce que, enfin, comment dire, c'est débile de se baser sur la dégaine des mecs ou de se baser sur un côté physique ou je sais pas quoi. Mais je veux dire, tu dis ouais que pour Woodley c'est peut-être plus simple de se mettre contre Nick Diaz, mais ce que je trouve fou, c'est que enfin dans tous les combats qu'il a pu faire avant, enfin avant, on va dire même avant qu'il revienne dans l'UFC, parce que finalement depuis qu'il est dans l'UFC, Nigaz, il a pas un palmarès de malade quoi. Ici, il je sais pas combien, il doit être à une victoire pour 5 défaites peut-être, ouais, je sais, ou un truc comme ça quoi. Mais c'est le mec, il se fait pas mettre KO quoi. Genre le mec quand, et à chaque fois qu'il est justement contre un mec un peu à la Woodley qui est un peu genre costaud et tout, bah c'est le mec qui s'essouffle avant et t'as Nigaz qui le finit. Donc je sais pas si c'est vraiment un bon combat comme ça, mais après, mais bon. Et quand tu regardes encore le palmarès de Diaz dernièrement, c'est pas non plus la folie quoi. Donc je sais pas trop. Moi s'il revenait pas contre Woodley mais contre quelqu'un d'autre, je saurais pas contre qui quoi. Ouais. C'est un peu le milieu extraterrestre de la division le mec quoi. Genre, c'est... le mec il est là, tu sais pas trop. Ouais. Mais tu vois, c'est sûr hein, comme quoi la personnalité ça joue quoi. Ah mais grave. Ouais. Et tu penses quoi de Diaz McGregor 2 là? Je. j'attends qu'on marque la patience en tout cas. Je vais pas te mentir quoi, il y a mon côté aigri qui aimerait bien que McGregor perde à nouveau quoi. Parce que son côté grande gueule, arrogant et je réussis tout dans la vie m'énerve énormément quoi. Mais franchement je pourrais pas dire parce que il a quand même eu le temps de se préparer. Il a eu le temps de se préparer contre Nate Diaz, c'était pas un combat qui s'était fait à l'arrache quoi. Si, à la base il devait se battre contre Dos Anjos là. Et l'autre il s'est pété le bras, ou non, il s'est pété le pied. Oui, il s'est pété le pied peu de temps avant. Et je crois que Diaz il est venu genre 10 jours avant, entre comme ça, 15 jours avant. D'accord. Franchement, je pourrais pas te dire. Honnêtement, j'attends de voir. Là pour le coup, j'arrive pas à me décider quoi. Et ouais, après moi, je sais pas. J'arrive pas à visualiser le truc. Enfin, je me dis que en termes d'outils justement, quand on parlait des différents talents quoi qu'il y a à avoir pour être complet et tout machin, je pense que Diaz, s'il arrive à le foutre au sol, je sais pas, hein, mais je pense que McGregor il a moins d'expérience, moins de trucs. Mais à mon avis, Diaz c'est pas le genre de mec qui va essayer de le mettre au sol quoi. Donc je sais pas trop. Attends, Nick Diaz il est à depuis qu'il est revenu dans l'UFC, il a gagné contre BJ Penn et il a perdu ses autres combats. D'accord, okay. Il a gagné contre BJ Penn, perdu contre Condit, perdu contre Georges Saint-Pierre, perdu contre no contest là contre Anderson Silva, mais en gros il avait perdu. Donc ouais, c'est pas ouf non plus quoi. Mais ce qui est fou, c'est qu'il arrive toujours à être là, genre ouais, mais moi c'est bon, c'est moi le prochain pour le titre. Ouais, il a beau perdre, c'est pas grave quoi. Ouais. Il est assez proche de Michael Bisping dans ce sens là quoi. Ouais, c'est les mecs, tu sais, genre ouais. Si je me rappelle, Michael Bisping, ça m'a fait marrer parce que il y avait un mec, je sais plus qui c'est, qui avait dit qu'il s'était pris un KO en sparring, tu vois. Ouais. Et Michael Bisping a fait une vidéo qui a balancé sur YouTube, genre filmé avec son portable à l'arrache dans la rue, genre ouais, moi je tiens à dire un truc, on m'a jamais mis KO en sparring. Enfin, tu vois, genre, mec, sur ça, on s'en fout quoi. T'inquiète. Mais Nick Diaz, il avait fait des trucs pareils. Je sais plus c'était quoi à l'époque, quand il était dans Strike Force, il y avait un truc, quelqu'un avait dit un truc sur lui quoi. Il avait fait une vidéo dans sa caisse, où il est dans les bouchons, t'as jamais vu cette vidéo? C'est un truc de ouf. Genre il est dans sa caisse et bon je sais pas à quelle rumeur il répond ou quoi, et il est dans les bouchons, il a mis son téléphone genre par terre, enfin près d'une vitesse ou je sais pas quoi, et il est là genre il fait des gros doigts. C'est un truc de fou quoi. Attends, faudrait trop que je trouve ce truc pour te montrer. Non mais c'est vrai qu'ils ont lui et son frère dans ce côté à doigts attardés qui est super drôle quoi. Je veux dire, même Diaz, avant qu'il affronte Conor McGregor, il avait gagné contre Michael Johnson, c'est un super combat d'ailleurs. Ouais, ouais. Et son speech à l'après combat, c'était genre McGregor, au fils de pute, je t'encule de ta mère. On dirait les mecs en bas de chez moi quoi, c'est génial. Genre il est dans sa caisse et le nom de la vidéo c'est Nick Diaz répond à Mayhem Miller. Ouais, j'ai pas. Et il parle de rien. Il est juste là. Ah oui, c'était après le. Il y avait un truc à Strike Force là. Où t'avais Jake Shields qui avait gagné contre je sais plus qui. Peut-être contre Dan Anderson. Il a gagné contre Dan Anderson, Jake Shields, je crois. Peut-être, ouais. Et quoi, c'était parti en couille, non? Ouais. Genre, ah, mais c'était avec Mayhem Miller. Ouais. Parce qu'en fait, t'as leur Jake Shields qui a gagné un combat, je sais plus contre qui, quoi. Donc ils se sont interviewés et tout, machin. Et là, t'as Mayhem Miller qui a rien à voir dans le combat, qui déboule sur le ring, quoi, et qui vient dire « Ouais, c'est quand qu'on a notre revanche ?» Parce qu'en fait, il avait perdu contre... Enfin, Miller, il avait perdu contre Shields, je sais pas, un an avant ou quoi. Et donc il revient, il fait « Ah, c'est quand qu'on fait la revanche ?» Et donc là, tout le monde le regarde, et il commence à le pousser, ça part en vrille direct, ouais. Commence à se mettre sur la gueule et tout. Et donc là, je sais pas, donc t'as dû avoir des trucs par médias interposés, Miller qui a dit « Ouais, ils m'ont agressé ou je sais pas quoi. » Donc là, t'as Nick Diaz dans sa caisse qui est là, genre fuck you, fuck you. Les frères Diaz qui s'étaient embrouillés il y a pas longtemps avec les frères Nurmagomedov. Ouais. Ça sert à jamais. Mais ils font que ça, quoi. Ouais. Mais je les trouve quand même marrants, quoi. Les mecs, ils ont tellement un côté. Ouais, gamin, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ouf. Et ils sont tellement persécutés tout le temps, quoi. Ouais, tout le monde m'en veut, tout le monde est contre moi, machin. Alors, non, c'est bon, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, Jason Miller, là, enfin, lui, c'est incroyable. Enfin, il enchaîne les fêtes hiver. Ouais, mais lui, il est perdu, ouais. Lui. Hein. Je sais pas ce qui lui arrive. Hein, ouais. Mais par contre, il avait du niveau, quoi. Enfin, parce que moi, j'ai pas trop suivi sa carrière. Enfin, parce que c'est le mec, je sais que je connaissais ce nom avant de vraiment voir ses combats, quoi. Je sais pas sur quoi j'ai vu, mais peut-être. Je sais pas si il a dû se battre à l'époque de Pride, tout ça, quoi. Et il avait ses cheveux teintés en rouge ou je sais pas quoi, là. Ouais, genre je goûte à Spring. Ouais. Mais pour moi, c'était genre un peu un mec, enfin pas blagueur, quoi, mais c'était genre, voilà. Et en fait, quand tu regardes ses combats contre Jack Shields et tout, il était pas loin de gagner, il a eu plusieurs opportunités ou je sais pas quoi. Et apparemment, il est assez bon, mais sauf que dans sa tête, ça va pas du tout, quoi. Ouais. Il a l'air complètement. Mais je suis pas son truc. J'ai juste vu quand il est revenu dans l'UFC contre Bisping, il s'est fait calmer. Il s'est fait allumer. Contre Sibi Doloé, je crois qu'il s'est fait calmer. J'ai pas vu le combat, je crois, mais. En plus, Sibi Doloé, quoi, genre. C'est... le mec, j'ai rien contre lui, mais il a vraiment une tête de mec, tu veux qu'il perde, quoi. Ouais, c'est bien joué. Ouais, non, c'est clair, il a une tête de. Je sais pas, il a une tête de. Une tête pénible, quoi. Une tête pénible, ouais. Mais en plus, voilà, c'est, moi, Sibi Doloé, c'était. Quand je disais comment j'ai checké l'UFC, c'était la saison de Ultimate Fighter que j'ai vue en premier. C'était celle avec Sibi Doloé. Et il se la racontait tout du long, quoi. Ouais, c'était insupportable. Insupportable, genre c'est bon, c'est moi qui vais gagner et tout, ouais. Y a pas de soucis et tout. Et je sais pas si tu te rappelles d'ailleurs, à la finale contre Amir Sadova, il s'est pris une clé de bras, il a tapé et après il disait non, je vais pas taper. Mais en plus, parce qu'il a perdu deux fois contre Sadova. Ouais. Il a perdu une fois dans la compétition. Et après la finale, ça devait être Sadova contre Jesse, je sais pas quoi, un autre mec. Le mec qui a fait de la merde, il s'est fait virer. C'était bourré, il s'est fait virer du truc. Donc Sibi Doloé, il est revenu, il a reperdu, quoi. Ouais. Et depuis ce gars-là, je trouve qu'il est normal, qu'il est sympa, dans ce moment. Mais j'en peux plus, quoi. Ouais. Quand je le vois, je suis là, non, c'est mort. Hein. Ouais, c'est vrai que quand il s'était pris son middle kick contre Yoto Machida, qu'il avait fini par terre, bon. Ah, putain, ça a l'air de piquer, ça. Ouais, bah, voilà. C'est marrant, tu regardes ça sur ton PC, mais tu entends quand même de ton PC. Et pareil, ce gars-là, Machida, dans le côté. Dans le côté personnalité des mecs, c'est un mec tellement. Je trouve qu'il est limite trop trop dans le... Enfin, après, il est comme ça, quoi. Il est trop dans le délire, je suis respectueux et tout. Tu sais, genre, je salue et tout. Genre, ok, franchement, c'est très bien. Mais quand je vois comment il déglingue des mecs, et qu'après, il se met à côté d'eux, comment vas-tu? Genre, je l'ai vu contre Munoz, il envoie un gros kick dans la tête. Est-ce que tu vas bien, mon frère? Ouais. Genre, c'est bon, assume, quoi. T'es un mec qui frappe les autres, c'est bon, personne t'en veut, quoi. C'est vrai que, effectivement, le côté, genre, je joue un peu sur le cliché du samouraï japonais, pour ensuite mieux t'allumer derrière, il y a un contraste qui est assez amusant. Ouais. Il est un peu. Mais lui, pareil, lui, il est. Je sais plus, il est suspendu, lui, il revient, il fait. Le quoi. Machida, bah, je sais pas. Parce qu'il a été suspendu, parce qu'en fait, il devait y avoir Dan Anderson contre Machida 2. Ouais. Et ça s'est pas fait parce qu'il était suspendu. Et après, du coup, ils ont filé Lombard à Anderson avec ce KO du coup de coude là qui était alors. Putain, bien. Ouais. Pour dire, ce combat, il était ouf. Ouais, il était, mais c'est un des KO les plus brutaux ou brutal les plus... Brutal, hein. Un des KO. Un des KO, enfin un des KO, ouais. Un des KO les plus vénères. Ouais. Ils sont bas les couilles. Que j'ai vu de tout sport de combat confondu. Ouais, Lombard, il était allongé, il pouvait plus, quoi. C'est toujours impressionnant. Bah d'ailleurs. Un autre KO partout en montée que j'ai vu, c'était encore Anderson contre Michael Bisping. Ouais. C'était, il met KO les gens, mais les mecs tombent par terre et genre ils bougent plus, quoi. Enfin, tu sais, ils tombent par terre dans la position dans laquelle ils étaient debout et ils bougent plus, quoi. Ouais. Ouais, le KO aussi dans ce style là, c'était qui passe tout le temps là, c'était Barboza contre Terry et Tim, tu l'avais vu celui-là. Ouais. Alors limite, le mec il est mort, quoi. Tu vois qu'il tombe, tu fais mais oh là là. Ouais. Edson Barboza encore un combattant, je suis impressionnant, quoi. Ouais, il est balèze. Hein. Ouais. Mais lui, je capte pas ses difficultés, quoi. Quand il perd, c'est toujours. Enfin, J'arrive pas à trouver c'est quoi le truc qui va pas, tu vois. Tu prends un mec comme Pettis, il se fait calmer. Dès que t'as un mec un peu lutteur, bon, ouais. Bah, Pettis il galère quoi. Tu vois, il a perdu contre Clay Guida quand il est son premier combat dans l'UFC, direct contre Clay Guida, il a perdu et après il est revenu quoi. Mais genre, Barbosa, t'as l'impression que c'est le mec qui peut genre défoncer tout le monde, ouais. Mais après il se fait calmer. Je sais plus contre qui il a perdu, contre Cerrone, Cerrone, je crois qu'il a perdu contre Cerrone, et je sais plus contre qui, comme à chaque fois il a des hauts et des bas quoi. Alors que ça a l'air d'être un gros tueur quoi. Je l'ai vu contre Paul Felder là, je sais pas si t'as vu ce combat. Bah c'est son dernier combat, non, c'est pas ça. Non, son dernier c'est contre Pettis, tu l'as contre vu celui-là, ouais. Il a allumé la jambe. Ouais, ouais. Et je crois que c'est lui qui a le record des plus nombreux stoppages là, avec kick à la jambe quoi. Ouais, d'accord. Il y en a genre 3-4. Alors le mec il met des mecs KO, technical machin, avec des kicks à la jambe quoi. Ok. Genre. Balèze quoi. Ok mec. Balèze. Ok, écoute, je te propose qu'on s'arrête ça pour aujourd'hui. Ouais, carrément. C'était très sympa de parler avec toi. Également, Antoine. Ceux et celles qui nous écoutent, j'espère que vous avez réussi à suivre. C'était notre première tentative, donc c'est un peu parti dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, mais c'est normal. Ouais, c'est ça, ouais. Fermez vos gueules, écoutez, quoi. Mais, ouais, bah écoute, merci à toi, et puis on essaie de te refaire ça bientôt. Ça marche, carrément. Faudra qu'on trouve un nom, on trouvera un nom, on le mettra dans le fichier. Faut qu'on trouve un nom, qu'on mette dans le fichier, et qu'on trouve Arif pour accompagner tout ça. Bref. Bon. Allez, ciao. Salut. Ok Valentin, on va faire nos petits pronostics pour l'UFC 202 qui arrive, parce que ouais. C'est une affiche intéressante et puis ça fera matière à discussion pour le prochain. Absolument. Alors, Valentin, d'après toi, Rick Story contre Donald Cerrone, qui va gagner et comment? Qui va gagner et comment? Et quand? Alors, pas évident parce que Donald Cerrone, là, il a l'air de bien gérer Walter White, ça a l'air d'être un truc bon pour lui. Après, Rick Story, je l'ai pas suffisamment vu combattre récemment pour me rendre bien compte. Donc, bah, j'irais peut-être Donald Cerrone, KO, deuxième round. Cerrone, KO, deuxième round. Je pense que, bon, je vais pas dire exactement la même chose que toi, mais je pense que Cerrone, effectivement, a de fortes chances de gagner, donc je vais partir avec lui. De fortes chances de gagner par KO, parce que c'est un mec qui est quand même relativement efficace. Ouais. D'ailleurs, ouais, c'est assez marrant, ce mec a une trajectoire assez originale aussi, quoi. Mais... et à quel moment, contre Rick Story, le seul mec qui avait gagné contre Julian Ricks à l'époque. Ah ouais, c'est vrai. Et moi je vais dire au troisième round. Au troisième round? Ouais, parce que c'est deux mecs coriaces. Ok. Ensuite, alors le combat que tout le monde attend avec impatience, Anthony Johnson contre Glover Teixeira. Alors celui-là, pas évident. Moi je dirais que... Moi je dirais que Glover il a des bonnes chances. Ouais. Parce que je pense que Glover debout il a de meilleurs, plus haut niveau je pense que Johnson. Après Johnson ce qu'il a c'est, il a un bon niveau évidemment, mais il a surtout le power quoi. Et je pense que Glover, si Glover il se fait pas prendre par un truc un peu vicieux au début, il peut le mettre KO, il peut le soumettre, alors que Johnson je pense qu'il peut uniquement le mettre KO. Et si c'est une décision, je vois plus Glover marquer des points que Johnson qui fonce droit dedans et qui charge quoi. Donc Johnson il a une bonne chance, mais je dirais Glover, et je dirais peut-être soumission au troisième round. Glover par soumission au troisième round. Ouais. Ok d'accord. Alors tu vois, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que quand j'ai vu Anthony Johnson combattre pour la première fois, c'était pour son retour à l'UFC. Ouais. Après qu'il ait fait Fureur à World Series of Fighting. Ouais. Et il avait affronté Phil Davis. Ouais. Et quand il a affronté Phil Davis à ce moment-là, il était vraiment super fort. Et il a tabassé Phil Davis pendant 3 rounds. Ouais. Donc c'était vachement impressionnant. Donc pour moi, Anthony Johnson, je pense qu'il peut tenir si ça va sur la durée. Mais je pense qu'il va gagner par KO. Je pense que ça va être un combat assez titanesque et je pense qu'il va, mais il va quand même gagner par KO au troisième round. Ah ouais? Ouais. D'accord. Ah ouais. Ouais, je vois un truc assez épique. Et enfin, Ned Diaz contre McGregor 2. Alors, pronostic, c'est pareil, c'est pas évident. Je vais pas mettre pronostic, je vais mettre souhait. souhait, Ned Diaz par KO deuxième round. Ok d'accord. On interprète ça comme un souhait. Alors. Ça peut m'aller. Souhait, Diaz, KO deuxième round. Alors, franchement, je me pose la question depuis que ce combat a été annoncé. Je peux pas m'empêcher de penser que Ned Diaz, il a dû sérieusement entamer, on s'en fout, quelque chose au niveau psychologique chez McGregor. Ouais. Parce que même si McGregor essaie de rester professionnel et d'admettre sa défaite ou quoi que ce soit, je pense qu'il a quand même bien secoué le fait de s'être fait niquer comme ça. Donc je pense que Ned Diaz, ça, je pense qu'il sent, enfin, je pense que c'est pas le mec qui ressent la pression, je pense qu'il sent pas vraiment les couilles, quoi. Enfin, ah, c'est... tu penses ? Ah, c'est l'impression qu'il... Ah, je pense qu'il a la pression. Ah, tu penses ? Ah, ouais, je pense qu'il a grave la pression. Après, je pense que, en tout cas, ça va être un combat très discuté. Très disputé, pardon, je suis pas en train d'être français aujourd'hui. Mais vas-y, je vais partir sur Ned Diaz. Soumission, 4ème round. C'est en 5 rounds celui-là ? Bah, c'était maintenant dès que. Ah c'est oui, c'est le main event. D'accord. 4ème round. Donc on est d'accord sur tout sauf sur Johnson et Teixeira. En gros, c'est ça. En gros, pour ce qui est des vainqueurs en tout cas. D'accord. Ok. Bah, ça marche. Ok, mec. On prend note de tout ça et on fait le point. On en reparle après l'UFC 202. Après l'UFC 202.